De la dernière partie, juste après votre affrontement envers Jafar et ainsi que le reste de son gang, jusqu'au retour de Jakar un peu plus tard. Jakar qui donc avait quelques obligations avec le reste des juges, ce qui a justifié son absence, et vous vous retrouvez également à devoir réaliser un petit peu cette routine habituelle de Mokosh qui doit tester sa présence à la caserne la plus proche, Flux qui lui va gérer un petit peu le reste de son groupe, et pour l'instant Torik lui n'a pas spécialement de choses à faire. En tout cas pas ici, vu que tu ne trouves pas hospital, t'es un petit peu plus libre. Pour rappel, Justicia en ce moment subit une forte tempête qui néanmoins commence à baisser. D'ailleurs de temps en temps vous entendez quelques appels du serveur qui vous dit « Chers habitants de Justicienne, restez chez vous et protégez-vous des différents spores qui se trouvent dans l'air, munissez-vous également de masques et ne sortez pas sans ces derniers. » Mais ces derniers se font de moins en moins réguliers et semblent un peu de plus en plus ouverts à ce que les habitants puissent sortir. Dans la ville, vous croisez de plus en plus de patrouilles d'hospitaliers. Qui sont là pour vérifier que justement trop de spores n'aient pas été déplacés par les grandes soufflées qui ont lieu. On sait qu'il y a des champs de spores mers, donc de gigantesques champs de spores qui se trouvent en Franca, et on a peur que les rafales aient pu les déplacer dans l'air jusqu'en Borka. Aucun communiqué officiel de l'hôpital n'a été fait par rapport à ça. Donc vous restez un petit peu, on va dire, serein. Dans tous les cas, même s'ils ont pour habitude de cramer, purifier les villes subissant ce genre de, malheureusement, malchance, vous avez toujours la sûreté de vous trouver à Justicienne et de savoir que l'hôpital, si jamais la ville était contaminée, ne pourrait pas la raser entièrement. Ce serait fort important. Nous allons reprendre dans une scène qui se passera de nuit, en tout cas le soir, au niveau du serveur central, avec Flux. Oui. Du coup, en effet, Flux, tu as été convoqué au serveur. Tu sais que ça t'arrive de temps en temps. Effectivement. Et tu vas donc te rendre jusqu'au niveau du monolithe d'acier. Pour rappel, c'est cette espèce de grands bâtiments, cette gigantesque silhouette qui se détache de la ville, à l'intérieur duquel se trouvent les maîtres de l'acier qui fabriquent les mousquets et les marteaux des juges. Et à ce niveau-là, tu vas accéder aux hauteurs, donc au niveau du domaine des juges et des chroniqueurs, situé sur le plateau haut de Justicienne. Si vous regardez la carte, vous pouvez voir cette partie, on voit bien qu'il y a une zone qui se détache du reste de la ville. Donc cette zone, donc, l'accès en est restreint, et tu es obligé d'y accéder par une plateforme de levage motorisé. Et tu arrives donc un petit peu comme ça au niveau du pouvoir législatif, en fait le siège du pouvoir législatif à Justicienne, ainsi qu'au niveau donc du serveur central. Donc tu vois cette espèce de grand bâtiment qui se trouve dans cette zone donc déjà réservée de base, avec ses panneaux solaires, ses enceintes et ses câbles tirés dans tous les sens. À l'entrée, on est obligé de vérifier ton identité, ainsi que de scanner ton code barre. Toi, avec ton masque, tu sais que simplement, on branche une espèce, normalement, on va dire un petit peu, il faut imaginer un scanner, Et intérieurement, tu actives un système qui va ouvrir, on imagine une espèce de petite trappe pour laisser le truc se scanner. La trappe se referme, le câble se débranche, et ensuite on valide ou non ton identité. En l'occurrence, là, on te laisse passer, sans aucun souci. Tu arrives donc dans ces dédales de couloirs, où tu ne croises que des chroniqueurs, puisque vous êtes les seuls admis au sein du serveur. Tu vois notamment beaucoup de jeunes fragments ou des agents qui s'y trouvent et qui font leur première mission en Justienne. D'ailleurs, tu sais que même si toi tu possèdes un fragment avec toi dans tes recrues, tu sais que c'est pas du tout commun et que la plupart d'entre eux restent quasiment au serveur la plupart du temps. C'est un petit peu une exception. D'ailleurs, donc, c'est à son sujet qu'on te donne rendez-vous. Puisque dans une espèce de petite alcôve qui se trouve au sein du serveur, avec un petit numéro écrit dans une espèce de lettrage très épuré, tu retrouves un autre membre des chroniqueurs. Un autre membre que tu connais plutôt bien, puisque tu as conversé de nombreuses fois avec lui par message, c'est l'agent Delate. Lorsque vous vous présentez, tu vois qu'il t'invite à t'asseoir et vous vous trouvez au niveau de cette petite zone. Un petit peu donc à part, vous entendez au loin quelques bruits de machinerie ou des voix de chroniqueurs, en tout cas l'écho de certaines voix un petit peu mécaniques passées ici et là dans les couloirs. Oui, nous aimerions, te dit-il avec sa voix métallisée, connaître l'avancement de la formation de votre élève. Noah Answell. Eh bien, elle avance, comme vous le savez, le jeune Noah est, comme je viens de le dire, jeune. Il ne faut pas s'attendre à des miracles à son âge. Hein. Cependant, c'est un élément très sérieux, il m'a aidé sur de nombreux projets. Et je le forme, bien entendu, comme il est de mon devoir. Des informations, qu'est-ce que c'est connaître ce genre de choses. Très bien. Nous aimerions que vous lui confiez plus d'indépendance. Notamment, peut-être pourriez-vous lui donner une mission ou deux à l'avenir. Nous vous laissons libre choix de ces dernières et nous vous laisserons lui donner une rémunération en fonction des résultats qu'il y importe. Quelque chose de très simple, comme de la réparation, de la négociation auprès de certains membres de la ville, devrait suffire. Très bien. Dans votre rapport, vous pourrez nous communiquer ces résultats ainsi que les ambitions que vous mettez à son niveau. Donc il reste au sein de la ville, on est d'accord. Pardon? Oh, il reste au sein de la ville, on est d'accord. Oui. Très bien. Bien entendu. Nous aurions d'autres questions à propos du reste des membres qui travaillent pour vous. Notamment Maria Hattie, la jeune ferrailleuse. Nous savons qu'elle vous aide au sein de vos travaux et aimerions savoir s'il serait envisageable qu'elle puisse constituer avec Noah et les autres membres que vous avez recrutés une petite commission d'enquête que nous pourrions envoyer ici et là, effectuer quelques missions. Si vous les en sentez prêts, nous pourrions en reparler dans quelques temps. Je pense que, effectivement, un peu tôt, je rappelle qu'ils ont 16 ans, ça serait bien de les laisser mûrir un peu, mais effectivement, il y a du potentiel, hein, ces gens-là. Maria est très compétente dans ce qu'elle fait. Je vous demanderai juste de me laisser, de leur laisser surtout un peu de temps, je pense, peut-être, histoire qu'elles prennent encore un peu en maturité avant de commencer à m'envoler ses propres ailes. Bien entendu. Maintenant, vous n'êtes pas sans ignorer que les temps sont de plus en plus durs et qu'il devient primordial pour nous autres chroniqueurs d'obtenir des recrues performantes de plus en plus jeunes, notamment intégrées dans les autres cultes tels que les clanistes et les firailleuses, comme vous le propose ou vous l'offre comme perspective vos autres membres. Mais nous respectons votre choix et nous en rediscuterons avec vous à l'avenir. Une autre suggestion... À ce moment, tu le vois là réfléchir quelques instants, ce qui ressemble pas trop aux manières des chroniqueurs qui ont tendance à être relativement directs et assez cash, qui dissimulent rarement leurs dialogues sous quelques fleuritures. Non, nous en reparlerons plus tard. Nous aurons... j'aurai un nouveau rapport à vous faire. Continuez comme vous le faites. Et... Nous voilà, nous aurons peut-être juste à... discuter... à propos du reste de votre groupe, de votre cercle proche, et du potentiel qu'il pourrait nous apporter. À ce moment-là, tu vois qu'il te salue, et puis finit par se lever. Ensuite, quelques instants plus tard, d'autres chroniqueurs arrivent, et tu vois qu'on recharge de nouveau ton imprimante à lettre de change. Parce que pour rappel, il faut la faire vérifier. Régulièrement, puis on te laisse bien sûr libre de part. Tu rejoindras le reste du groupe donc à l'intérieur de ta petite maison, de ton petit appartement dans ton quartier de justicienne. Et j'aimerais savoir ce que vous avez prévu pour le lendemain ou même en général pour ce soir ou dans un avenir plus ou moins proche. Si vous avez des plans quelconques. Ou si vous attendez de laisser le destin arriver. Je savais qu'il y avait par exemple potentiellement possibilité de réutiliser l'armure de la machine de Hamsumo que vous aviez dépiotée les dernières fois. Enfin dépiotée. Il me semble qu'elle a été dépiotée à moitié, ce qui veut dire que elle devrait arriver. Enfin, ça veut dire qu'il y a au moins une première étape qui peut être utile à Jacquard. Hein. En effet, la dernière fois, vous aviez même bien terminé de démonter cette dernière et... Oui. Parfait. Du coup, enfin, moi, du coup, je vais en parler en général, mais je vais laisser forcément un bras et une jambe à Jacquard. Et du coup, moi, mon but sera d'utiliser notamment Maria et moi, comme par hasard, pour aller me chercher, en fait, des matériaux pour compenser ce bras et cette jambe du robot dont j'ai perdu le nom, je suis désolé. La machine de Hamsumo. Merci. Et du coup, je pense qu'il faut en parler à Jacquard, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on est prêts à faire don du matériel. Moi, je suis prêt à faire don de mes talents. Parfait. Moi, je suis prêt à le tenir. Du coup, maintenant que Flux nous rend disponibles les pièces pour pouvoir installer les extensions, les nouvelles extensions de notre cher Jacquard. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé avec Jacquard. Eh bien, Jacquard, ma foi. Nous avons une bonne nouvelle pour toi, si tu es prêt à l'entendre. Es-tu prêt à l'entendre ? Parle. Parle. Eh bien, Flux en a fini avec la machine d'Hamsumo. Et il nous laisse un bras et une jambe. Pour pouvoir te... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire pour combler un vide qui est en toi. si tu l'acceptes. Non merci, je ne mange pas de ce pain. Sache que pour en avoir une partie. Également, ça n'est pas très contraignant et je pense que ça te sera très utile. Et tu trouves ça bien, toi ? Écoute, de par ma fonction de médecin, et nous avons déjà eu à changer des membres, voire même des organes. Eh bien. Ce n'est qu'une pièce de rechange. au final. Mais ça, c'est toi qui décides à la fin. Mais je crois que, de par ta vocation, ça te sera utile et peut-être que tu en seras même que meilleur, amélioré, plus fort. D'accord, faisons comme ça. Eh bien, soit. Est-ce que je peux voir avec mes supérieurs pour faire en sorte qu'ils m'allouent une salle qui ait tout le matériel nécessaire et... Tu vas dire, tu vas pas pouvoir faire ça comme ça, là, sur place. Voilà. Non, mais dans le sens que ça améliore peut-être un peu mes capacités, vu que je vais avoir tout le matériel qu'il bien faut. Bien sûr, sans doute qu'une telle opération devrait être pratiquée au hôpital même. Tu sais que ça va être compliqué de t'y rendre immédiatement, mais que tu pourrais potentiellement t'y rendre soit demain, soit après-demain. Ok, d'accord. Eh bien, on fera ça alors. Attendez quelques appels de chroniqueurs se diffuser dans la ville juste avant de vous endormir, comme des couvre-feux imposés de manière plus ou moins arbitraire par ces derniers. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez faire avant de dormir ce soir-là? Honnêtement, je suis un peu... j'accapare peut-être un peu ce moment, si quelqu'un d'autre veut faire quelque chose, hein, qui n'hésite pas. Je suis un peu un nerd hein, dans ce qui est dans la construction, etc. Et avec le temps qui est un peu passé, je vais voir si... je sais pas si j'avais pas trouvé des pièces, ou même si vraiment ce que ça donne, mais je sais pas si j'ai pas trouvé des pièces ou quoi pour essayer d'améliorer un peu mon drone, peut-être à distance, qui peut pas courir, ou un truc comme ça. Même juste la résistance, tu sais, je me dis, si jamais il y a, vu qu'on entend pète, ça m'y fait penser, je me dis, tiens, ça serait dommage qu'il se prenne un gros mur à cause du vent et que je le perde. Ouais, je sais pas, mais j'ai envie de le travailler un peu, quoi. Très bien, alors. Mon fameux drone. Tu vas me faire un jet d'intellect engineering pour l'améliorer. Considère en effet qu'au niveau des ressources, vu que t'as un groupe qui te sert à ça, oui, tu peux récupérer assez régulièrement. T'en apportes pas forcément des ressources extrêmement puissantes, mais juste pour améliorer ton drone, pourquoi pas. C'est pas très fameux. J'ai fait... Ah oui, c'est vrai que... j'ai fait, du coup, deux réussites. Ok. Tu commences à travailler dessus, malheureusement, ce soir-là, t'as un peu la tête ailleurs et tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu essaies de faire. Ok, pas de soucis. Vous vous réveillez au final le lendemain par quelque chose de nouveau qui, on va dire, pique votre curiosité. En effet, vous entendez un son assez répétitif, bouclé comme ça au loin. Et lorsque vous finirez par ouvrir l'une des portes ou l'une des fenêtres de la petite bâtisse, vous entendrez que dans la ville de Justicienne, une musique un peu tonitruante semble tourner. Cette dernière, clairement en provenance du serveur central, semble être la dernière innovation des chroniqueurs en ville. Et ils passent quand même leur message par-dessus. Hein. Évidemment, de temps en temps, la musique s'arrête et vous entendez... N'oubliez pas, citoyens... Les ennemis des spitaliers sont les ennemis de la mort, de la sepsie et bon, tout ce qui va avec. Ah oui. Oui, bien sûr. En plus, ils vous soutiennent dans le... Et puis, les temps sont durs. Quel autre choix avez-vous que... Oui, on t'entend. Que d'un leader, un groupe en tout cas de leaders charismatiques et omniprésents. Quelle autre alternative? En tout cas, c'est ce que dirait un chroniqueur si tu lui posais la question. Quel est le programme d'aujourd'hui? Pour rappel, Mokosh, tu avais prévu, il me semble, de retourner à l'armurerie, enfin chez le forgeron plutôt. Bah, j'ai toujours pas d'argent, donc je sais pas si c'est vraiment. Ok, d'accord, tu dois t'attendre. Tu pourrais demander à ton ami. Quel ami? Ah. La dernière fois qu'on a parlé d'argent. Tu voulais pas en imprimer un seul crédit? Bah, l'argent, il me semble que c'était parce que c'était un contexte illégal et que c'était un peu trop dangereux parce qu'on savait que c'était moi. Jacques Rhétorique, vous assistez donc pas à une discussion d'argent mais une discussion qui parle de discuter d'argent. argent, c'est plus jeune. Seulement, Moko, je demanderais à quelqu'un qui aurait un pistolet à. Je sais pas. à lettre de change. Ce serait très bon pratique pour lui faire un prêt. C'est vraiment un pistolet quand tu tires, t'as une lettre de change qui... Imprimant. Moi je rattrape au vol. Non mais voilà, après tant pis, hein, je veux dire. Non, la dernière fois que je l'ai demandé, je considère... Alors là c'est pas le personnage qui parle, mais enfin c'est le roleplay du personnage, mais il parle pas. Je et considère que la dernière fois que j'ai demandé de l'argent au chroniqueur Flux, on m'a dit non. Donc je considère que c'est seulement pour sa propre utilisation et pas pour celle du groupe. Ah. C'est toujours pas le personnage qui parle. Mais je rappelle qu'au début d'un passé qu'on n'aurait pas connu mais qu'on a quand même connu, genre un acte 2, tu vois, même si on n'y est plus, il s'avère que j'ai imprimé de l'argent pour aider certains d'entre vous. Mais bon. Ouais, mais ça y est, entre temps, j'ai fait des mois de prison. Il a oublié. Ah ouais, je comprends. Ah ouais, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle demande pas, tant pis. Ah ouais, c'est genre... Je ne demande pas. Je préfère gagner l'argent moi-même et pas le demander. Mais oui, mais sinon, c'est quelque chose à faire. J'ai toujours un propriétaire terrien à faire chanter et à déposséder de ses terres. D'ailleurs, du coup, est-ce que, Toric, tu souhaites te rendre aujourd'hui avec Jacquard au niveau du hôpital? Bien sûr. Ok, très bien. Je l'emmène avec moi. Allons-y, Jacquard. Je vais bien m'occuper de toi. Je vais commencer par sortir du bâtiment et à déambuler dans les rues de la ville. Au loin, vous voyez les silhouettes des ferrailleurs ou de quelques paysans soit se rendre en direction des fermes aux alentours pour voir à quel point la tempête les a complètement détruits et qu'à quel point est-ce qu'ils sont ruinés. Tandis que d'autres, eux, semblent en revenir complètement en larmes, implorant quiconque de pouvoir les aider. Vous trouvez également sous quelques tas de poussière et de sable ce qui semble être des corps au loin, entourés d'hospitaliers qui semblent mettre la scène à part, comme si alors soit des personnes avaient été poignardées en plein milieu de la ville, soit simplement peut-être des mendiants qui n'ayant eu aucun endroit où se réfugier durant la tempête, ayant péri d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que le climat est actuellement assez compliqué. Le tout, il faut imaginer avec ce fond de musique chroniqueur. Vous voyez également quelques groupes de juges en haut de quelques murs en train de fumer la pipe et d'observer ce qui se passe au bas. D'ailleurs, Jacquard, même si c'est pas systématique, à certains moments, tu sembles de nouveau entendre quelques rires au loin, comme si t'étais un peu la risée de certains membres de ton groupe. Ça commence vraiment à te peser et tu sens qu'il y a toute une partie des juges qui est vraiment pas très comment dire safe, si on peut dire ça comme ça. Comme dans beaucoup de cultes en même temps, diront certains. Vous décidez donc de partir en direction de l'hôpital. Pendant ce temps-là, Mokosh et Flux, vous planifiez potentiellement en effet l'expulsion, en tout cas la récupération des terres d'un honnête citoyen et résident de la ville, jusqu'à ce que la porte toque. Il faut imaginer le bruit d'un poing tapé contre la porte de ferraille. J'y vais. Coche. Ah ok, d'accord. Efflux s'y rend. Pour rappel, vous n'avez pas de nouvelles de Jafar depuis que vous l'avez mis à la porte. J'avais déjà oublié, tiens, tu vois. Oui. Ça se trouve, c'était l'un des corps qu'on croisait, Toric et Jacquard, ce matin en partant. On sait pas. Non, mais c'est pas lui. Sur lui que vous tombez, c'est sur un gamin des rues, que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, Efflux, et qui vient parler à casse-gueule. Tu vois un petit rouquin avec une espèce de petit béret qui te regarde. Ce serait pour voir casse-gueule, il m'a dit qu'il habitait ici. J'ai quelque chose à lui dire. C'est le cas. Casse-gueule ! Il y a quelqu'un pour toi ! Au bout de quelques secondes, tu vois qu'il arrive et il est pas très très bien réveillé. Et, qu'est-ce qui... Oh ! Il s'approche de son ami et... ce dernier semble lui parler, tu sais, un petit peu à voix basse, mais t'arrives un petit peu à percevoir... Croco est de retour en ville. Oh, Le gamin plus tard se casse et Casse-Gueule se retourne vers toi et fait c'est lui. Il est là. Le gars de la dernière fois. Assez rapidement, ouais. Mokosh et Fulux, vous comprenez de qui est-ce qui parle. Il paraît qu'il traîne un petit peu autour du quartier de l'épave et de celui de Stukov et qu'il rassemble le reste de son gang. Il y a d'autres affaires qui doivent être en cours, à mon avis. Je sais pas dans combien de temps, enfin, je sais pas combien de temps est-ce qu'il va rester, donc si jamais on va essayer de le choper, ce sera sans doute cette fois ou jamais. En effet, vous savez que dans les jours, il risque d'y avoir de nouveaux kidnappings d'enfants qui vont être emmenés tout droit jusqu'à Ferropol pour être vendus à vous ne savez qui. Des enfants que vous ne reverrez sans doute jamais. Non, mais de toute façon, on va s'en occuper, hein. On avait dit qu'on le ferait. Mokosh, du coup, je sais pas ce que tu veux faire. Est-ce que tu nous portes. Est-ce que tu nous portes soutien ou est-ce que tu vas continuer ton plan initial? Je pense que si on doit s'occuper de l'autre chose en priorité, je peux remettre ça plus tard. Bon, ça serait gentil. Puis j'avoue que tu es une force armée toujours très agréable à avoir à ses côtés. Ouais. Partez donc. Enfin, quoi que, non, je m'avance peut-être un petit peu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Déjà, je dis à Casse-Gueule, hein. Juste moi je veux juste régler ça, que bah, ouais. Il a le droit de venir avec lui. De toute façon, je crois qu'on en avait déjà parlé. Les soutiens ne font pas défaut. Il avait cette envie de vengeance, que je peux comprendre. Par contre, absolument, je fais. Je vais donner ordre, pour le coup, à Noah et à Maria de faire en sorte que Bambino, lui, ne quitte pas une seule seconde tant qu'on revient pas l'atelier. Casse-Gueule a le droit de venir. Et après, bah, c'est entre Mokosh, moi et Casse-Gueule, du coup, on a du coup une idée de là où il est, si j'ai bien compris. En effet, vous connaissez un petit peu le secteur, vous savez que du coup, ça va être au niveau du quartier de Stukov et du port, sans doute. Okay. Pas très très loin du quartier de la Croix, donc. On peut partir en. Je sais pas, Mokosh, quelle est ta stratégie préférée. Soit on essaie de le trouver, on le trouve, on le défonce, soit on. Je sais pas, on essaie de faire un piège, est-ce qu'on... Après, je sais pas, publiquement, quoi qu'il arrive, je pense qu'on va devoir rendre des comptes quand il y a une agression qui est vue aux yeux de tous. Après, bon, le fait que ce soit un enleveur d'enfants, je pense que l'hôpital et les juges pourront le comprendre s'ils nous tombent dessus. Ouais. Bien, déjà, on peut se trouver où il est exactement, en fonction de... Oui. Combien de gens il a avec lui, on peut soit s'en occuper, soit on attend pour nos potes. Ouais. On va faire ça. Parce que j'imagine bien que vu le bordel qu'on a foutu la dernière fois, il doit être bien entouré maintenant. Si seulement j'avais ma machine robot là, qui était fonctionnelle, qui ne manquerait pas un bras et une jambe, ça aurait été un argument de poids. Mais bon, ce n'est que malchance du temps. Ça viendra une autre fois, j'en suis sûr. Pose cette épée, tu es encore chez moi. Parfait. Vous décidez donc d'aller enquêter dans les quartiers en question. Oui. Parfait. Yes. De ton côté, Tori, qui est Jacquard, de votre côté donc, votre progression jusqu'à l'hôpital se fait relativement lente. En effet, Torik, tu dois déjà, pour commencer, aider Jacquard à manœuvrer. Ensuite, vous traversez sur une route qui a quasiment pas été empruntée depuis la fin de la tempête. Enfin, même si vous sentez que le vent est encore assez violent, c'est quand même plus praticable qu'il y a quelques jours. Bah, c'est surtout que la charrette que nous a prêtée Flux pour transporter le bras et la jambe, voilà, il faut la tirer. Exactement, c'est ça. Et puis les pièces sont... sont pas si légères que ça non plus, donc... On parle d'un beau bébé. Voilà. Non, bon, je vais quand même le dire ici, comme ça ce sera fait, mais je vais passer un petit peu tout ce côté de du moment que tu as dû passer un petit peu aussi à étudier ces derniers jours, justement, et discuter avec Afflux des composantes robotiques et mécaniques de la créature, et notamment les liens avec ton propre bras à toi qui t'a été posé. Mm-hmm. De toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard. Et tu sais qu'il y a 2-3 personnes un peu calées dans le domaine qui se trouvent au hôpital et qui pourraient peut-être te donner des conseils, même si les prothèses sont pas extrêmement répandues. D'accord. Pour l'instant, mine de rien, t'es assez confiant. C'est une opération qui va être assez difficile, mais ça devrait aller. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, Kamao, non, les membres devraient pas être trop disproportionnés, puisque pour rappel, vous avez eu un petit modèle de machine de Homsumo, ce qui fait que ça devrait aller. Après, en effet, vous avez dû réajuster certaines parties pour pouvoir coller. Un bras de 2 mètres. Finalement, en marchant, vous finissez par tomber au loin sur quelques silhouettes que vous voyez se détacher du décor, au loin. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous en approchez ? Elle semble être sur la route et se diriger dans votre direction, en tout cas dans la direction de Justicienne. Est-ce que vous y attachez une attention particulière ou... Bah, en soi, est-ce que... on est sur on est dans une zone normalement qui est safe, donc de mon côté, hein, j'ai pas spécialement de crainte à avoir en voyant des gens, c'est juste des gens qui vont nous croiser. Après, Jacquard, je sais pas de ton côté, mais moi je suis plus en train de discuter avec Jacquard de ce qui va se passer pour la suite, les protocoles médical. Et l'après-opération, post-opératoire. Oui, dans ta tête. Voilà, je suis vraiment dans la discussion, je suis déjà dans mon opération, là, je vois tout là. Bah, donc, moi, pareil, j'avance sans trop me méfier, de toute façon, je tiens toujours mon marteau pour avancer, donc, même si je garde un œil sur ce groupe. Ouais, imagine, Jacquard, le potentiel que tu vas avoir avec ce bras puissant et mécanique qui va peut-être décupler tes forces. Tu seras un Jacquard puissance 2. Donc ça peut vraiment t'apporter quelque chose de magnifique. Oui, il va améliorer la force, c'est bon, c'est sûr. Voilà, surtout que je sais que vous, les juges... Vous aimez, vous portez beaucoup d'importance à la puissance, à la force, car vous faites régner l'ordre avec votre force, quelque part. Ouais. Alors que les hospitaliers se servent de... Vous remarquez finalement que les silhouettes que vous croisiez n'étaient que de simples voyageurs en direction de la ville qui ont attendu la fin de la tempête pour s'y rendre. Puis vous finissez par prendre passer par une espèce de petit chemin que tu connais d'autre côté Torique, vu que tu fais souvent l'aller-retour, qui vous permettra normalement de gagner un petit peu de temps, en tout cas, qui sera peut-être un petit peu plus praticable. Et au bout de quelques dizaines de minutes de marche, tu es obligé de t'arrêter. Puisque en face de toi, tu aperçois, donc tu es obligé d'arrêter un petit, du coup, la charrette, tu aperçois une espèce de grand trou creusé dans le sol. T'arriverais pas trop à savoir si c'est naturel ou pas. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça paraît assez étrange, étant donné que ça... C'est un trou. Ça, je le vois, Jacquard, merci. Et tu aurais une idée de ce que c'est ? Ouais, il faut aller voir. Faites-moi un jet de perception avec une difficulté de 3. Non, de 2. Alors... Putain, j'avais pas ouvert ma fiche. Bon, on est 2. Mais ça va vite. Alors, tu m'as dit, c'est quoi ? Perception ? Perception, c'est dans... C'est dans quoi, ça, perception ? C'est dans instinct. Ouais. Okay. Instinct, okay. Perception. Aussi, j'ai plus la webcam hein, qui montre. Alors j'ai deux réussites. Une réussite. Ok. De ton côté, Jacquard, tu ne vois rien, mais toi, de ton côté, Torik, Même si tu vois, donc ce trou est assez volumineux, enfin on pourrait assez aisément y mettre plus d'une personne à l'intérieur, tu sembles en distinguer, à quelques mètres au loin, un second. Et même un troisième. Et en te rapprochant un peu plus, et en zigzagant entre ces derniers qui semblent se retrouver tout autour de la route et des quelques panneaux que tu aperçois, plus quelques vagues silhouettes de ruines, un quatrième, suivi au loin de plusieurs silhouettes humaines. Alors, est-ce que, comme ça, de prime abord, est-ce que ça a l'air d'être un trou qui a été fait par l'homme ou quelque chose de creusé ou c'est effondré ou je sais pas. Ça paraît difficile pour être fait par un seul homme, c'est quand même une assez bonne entreprise, surtout par le temps qu'il fait. Maintenant, plusieurs personnes pourraient peut-être s'y mettre, et en effet, tu arrives à peu près à voir, et donc la gare aussi à ton tour, que parmi les personnes qui semblent creuser se trouve au moins un ferrailleur. C'est quoi le diamètre à peu près des trous? Un mètre et demi. Sur de rayon? Sur un mètre, peut-être. Ouais. Peut-être un petit peu plus, ça dépend, il y en a qui sont plus profonds que d'autres. Okay. Alors, on voit le fond, quand même? Oui, bien sûr. Bah du coup, si on voit les gens, je pense qu'on va s'approcher d'eux, peut-être. Alors que tu t'approches, tu vois celui qui ressemble à être justement un ferrailleur, une espèce de gars avec sans doute la quarantaine, un crâne un peu dégarni, et une pelle à sa main, se retourner vers toi et faire « Hey, vous là, n'approchez pas !» On peut savoir ce que vous faites, là? C'est le cartel qui vous envoie, c'est ça? Non, c'est juste un hospitalier avec un juge, et on se balade. Jamais vous l'aurez! Vous m'entendez? Jamais vous n'aurez mon trésor! De quoi? Mais on n'est pas là. Vous voyez les 3-4 personnes à côté qui semblaient creuser s'arrêter et commencer à vous regarder. Vous voyez, ça semble être des gens relativement pauvres à qui on a visiblement filé une pelle et quelques lettres de change pour creuser des trous dans la région. Écoutez, on n'est pas très intéressé par votre trésor, on vous demande juste ce que vous êtes en train de faire, c'est tout. Oui, qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous le dire. Vous me planteriez un couteau dans le dos. Vous voulez dire qu'un juge serait capable de faire ça? Jacquard, tu ferais ça, toi? C'est de la brûlure, hein, c'est ça. Non. Des lettres de change. 200 pour être exact. Dis-moi, Jacquard, est-ce que tu pourrais tuer pour ça? Je veux dire, tu es un juge quand même. Ça dépend. Voilà, oui, qui me regarde extrêmement mal, mais avec beaucoup d'attention. Ça dépend. Vous les avez trouvés comme ça en plein milieu d'un trou ou vous avez récupéré ça sur un cadavre? On les a pas encore trouvés, mais elles sont enterrées là tout proche, j'en suis sûr. Et comment elles ont atterri ici? Enfin, c'est des lettres de change, c'est sans doute... Ça s'abîme beaucoup dans la terre, alors c'est quoi? C'est dans un coffre? En effet. Vous avez une carte? Pourquoi vous creusez ici en particulier? Ouais, j'ai bien une carte. Qui m'a indiqué précisément cet endroit. Du coup, il est à moi et je vous demanderai de faire demi-tour. Alors si déjà, Bollum, tu vas nous parler d'une façon un peu plus folle. Parce que je sais pas si t'as compris, mais je suis juge et si je veux, je peux te pendre demain au port de justicienne et ça ne posera aucun souci. Alors, ton trésor, j'en ai rien à carrer. Mais tu vas m'expliquer comment t'es arrivé ici et pourquoi tu tiens tant à ce trésor. Eh bien, j'ai suivi la carte et je suis ici pour l'argent. J'ai payé 10 lettres de change, la journée, les personnes que tu vois ici pour m'aider à le trouver. Et comment es-tu tombé sur cette carte? Enfin, je sais pas, tu as piqué ma curiosité. Raconte ton histoire. C'est une carte qui m'a été transmise il y a fort longtemps. Vous voyez que j'ai même du mal à me rappeler l'origine exacte de cette dernière. Et pourquoi il y aurait 200 lettres de sang ici, planquées en plein milieu de la pompa Parce que la carte dit... Écoutez, ne me prenez pas pour un amateur. Je suis chasseur de trésors depuis des années déjà. Ceci est mon premier, mon meilleur coup. Et il me rendra bien plus riche qu'à la base. Et la carte est relativement précise quant à certains de ces éléments. D'accord. Mais tu sais, pour moi, il y a deux types d'hommes de la vie. Ceux qui ont un marteau et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Ouais, ça va faire un long moment que je creuse, d'ailleurs. Et alors, tu trouves quelque chose ou... Enfin... Pas sûr. Faut dire que c'est pas facile de lire une carte et puis je sais pas trop lire. Mais on touche au but. Parce qu'on se retourne vers les autres, il fait « Est-ce que je vous ai demandé de vous arrêter ?» Et tu les vois qui reprennent juste à côté. On pourrait t'aider, monnaie en échange. Il me semble ici que nous sommes en compagnie d'un lettré, je crois, d'un homme de savoir et de connaissance qui pourrait t'éclairer. Désolé, je ne peux pas vous faire lire la carte. Oh, c'est comme tu souhaites. Peut-être que ça fait des dizaines d'années que tu penses creuser au bon endroit, alors qu'il suffisait de tourner la carte et de te trouver à des coordonnées, peut-être à l'opposé de cet endroit même. Mais si tu veux, nous pouvons te laisser errer et payer ne sais pas combien de jours tes ouvriers jusqu'à ce qu'ils rendent compte que tu n'auras plus aucun argent. Non. Après tout, nous, si c'est ce que tu veux, on peut s'en aller tout de suite même. Là n'est pas le problème, c'est juste que j'ai perdu la carte. Y a plus de carte. Mais elle est dans ma tête et je m'en souviens très très bien. Jacquard. On s'en va ? Ouais, je pense qu'on va y aller. Après, il pourrait nous la dessiner, sa carte. Hein, mais... Ouais, non, mais... Moyen d'argent, on pourrait peut-être essayer de... Non ? Non, on va les laisser. Je vous souhaite bien du courage pour trouver vos 200 nets de change. Merci. Tu vois qu'il acquiesce et puis qu'il vous laisse passer, mais en vous regardant du regard. Et puis vous entendez quelques voix en bas. Je suis sûr qu'ils sont du cartel. Surveillez-les bien. Écoute, on se barre. Au final, vous passez à côté et puis vous repartez en direction du hôpital. Le protectorat a parfois ce genre de situation assez étrange. Tout droit tiré des histoires qu'on vous raconterait dans un bar à pis. Mais bon, il faut croire que parfois le soleil tombe sur la tête de certaines personnes. Ou en tout cas le désespoir. Faut croire, ouais. Un petit peu plus tard, de l'autre côté, à Justicienne, on va retrouver l'autre reste du groupe, qui lui enquête au niveau donc du quartier de Stukov et du port. Par quel moyen essayez-vous de retrouver Croco exactement ? Est-ce que vous interrogez des gens ? Est-ce que vous criez son nom dans la rue ? Croco ! Criez son nom dans la rue, après tout ! Après tout, c'est audacieux. Il y a une chance sur deux qui se retourne. Hein. Non, moi, la première technique, c'est... j'en ai déjà parlé un peu précédemment, mais j'ai toujours essayé d'avoir une bonne réputation. On t'entend pas super. Bah oui, mais j'y peux rien. C'est pas grave, on se le dit, c'est tout. Mais oui. Du coup, ouais, j'ai toujours essayé d'avoir une plutôt bonne connexion avec les gamins des rues, notamment les messages et trucs comme ça. Et même si bon, je suis pas connu partout à Justicienne, mais tu vois, genre là où je passe, je fais toujours en sorte qu'ils ont un bon souvenir de moi. Et du coup, bah, je sais pas si je vais souvent dans ce quartier là ou pas. Après tout, je crois qu'on est déjà passé précédemment, et du coup, voilà, j'aimerais trouver un petit gamin, tout ça, pour voilà, faire marcher un petit réseau d'enfants prêts à être payés pour avoir trouvé la bonne personne. Quoi. Évidemment, il y a échange de monnaie. Parce que... Tu vas me faire un jet de charisme leadership, je pense. Et oui. Tu peux rajouter ton origine network au nombre de dés que tu lances. Ok. 5 réussites de déclencheur. Oh. Je crois que les enfants de rue, c'est la meilleure des idées. Je vais faire ça pour tout maintenant, dès que j'ai un problème. Sachant, il me semble que Casse-Gueule est avec vous. Oui, Casse-Gueule est avec nous. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. En effet, donc, que ce soit par la présence de ce dernier, qui, pareil, a une assez bonne réputation dans ce quartier, en tout cas, ça dépend pour qui, mais qui au moins a une réputation, c'est déjà ça, ainsi que tous les autres contacts que tu as au niveau de cet endroit, plus, en fait, en effet, comme tu dis, la réputation que tu t'es faite, cette personne qui vient et aide des gamins des rues à sortir de leur pauvre situation en échange d'un salaire et d'une situation plutôt confortable, en tout cas, en leur donnant des opportunités. Tu arrives assez rapidement... à obtenir l'info. Il faut imaginer cette scène de ce groupe se rendant au milieu du quartier, quasiment vide, avec peu de gens à l'extérieur. Seulement sur quelques marches en haut de quelques bâtiments, à la place des juges, des gamins qui partent en courant lorsqu'ils vous voient approcher ou alors guettent et vous suivent du regard. Certains un peu plus jeunes rappellent leurs grands frères ou vous ne savez pas trop, qui vont vous guetter depuis les fenêtres. Évidemment, quelques voyageurs passent ici et là, mais les gens évitent de s'arrêter dans le quartier, en tout cas lorsqu'ils ne le connaissent pas. Mais Flux, lui, se rend dans une petite ruelle, suivi du reste du groupe, et finit par poser une question et à donner 2-3 lettres de change directement tirées de sa machine à l'un des enfants qui s'y trouve. Ce dernier part en courant, saute sur une poubelle, puis s'agrippe en haut des tôles d'un bâtiment pour se hisser, et va retrouver un autre gamin, à qui il semble répéter quelque chose à l'oreille. Assez rapidement, c'est comme tout un petit resto qui... réseau s'active. Et il vous ramène une pizza. Non. Et tandis que la foule, elle, petit à petit, commence à arriver un petit peu plus, en tout cas, on a de plus en plus de monde qui débarque dans cet endroit, puisque le jour se lève et que le vent diminue, on finit par vous indiquer en effet que Croco et son gang se trouvent dans le quartier de la Croix. Donc le quartier anabaptiste. Au niveau de la place, en fait, à la jonction entre la grande place du quartier de la Croix et le port, donc en fait quasiment juste en face de l'épave, dans ce qui semble être une auberge. Parfait. Franchement, je le remercie grassement. Je demande à peu près combien d'enfants ont participé à l'obtention de l'information, si tu sais. Oh, il te dit 4-5. Okay. Et bien, 5 en ce qu'on envie. Pardon ? Eh bien, je lui donne 25 lettres de change à se partager entre eux. Ok, très bien. Tu vois, à ce moment-là, il acquiesce comme si il te remerciait. Il te regarde et donc te répète une dernière fois les informations. Ouais. L'auberge du démiurge fracassé, l'entrepôt juste accolé à cette dernière. Ils sont 6. Tu vois qu'il te donne même des infos supplémentaires. Comme si il avait un petit peu cette sécurité de ne dire tout qu'une fois le paiement accordé. Et à ce moment-là. Il s'en va. C'est Clips. Parfait. Au loin, vous voyez 2-3 citoyens vous guetter. Ils comprennent qu'il y a des affaires qui se passent et savent pas trop comment réagir. La plupart se contentent de baisser les yeux et continuer leur chemin. Et puis après tout, vous représentez quand même une certaine autorité. En tout cas, au moins pour toi, F. Quant à Mokosh, ses tatouages trahissent sa dangerosité évidente. Ainsi que ceci qui est. Alors, on y va ? Te demande Casse-Gueule. Évidemment qu'on y va. Bon, 3 sur 6, ça fait 2 par personne, sachant que je n'ai jamais été la meilleure des personnes de façon offensive. Est-ce qu'on va chercher un peu de renfort ou... Je suis pas sûr que les anabaptistes apprécient que ce genre de personnes se trouvent sur leur territoire. À ce moment-là, il se retourne vers toi, Mokosh. Je pourrais pas motiver 2-3 membres Ou alors, on va prévenir les juges. Honnêtement, je préfère le soutien des anabaptistes. Je n'ai rien contre les juges plus particuliers, mais... Vu qu'on a déjà fait appel indirectement à eux, la dernière fois, avec Jacquard, tout ça, je préfère ne pas dépendre que de la même faction. Faire multiplier les interactions. Tu vois que ça semble lui plaire. L'idée d'aller prévenir à l'aide les juges semble pas trop enchanter Casse-Gueule. Même s'il semble de plus en plus cool avec eux au fur et à mesure qu'il côtoie Jacquard au quotidien. Ça n'étrange un petit peu quand même avec l'impression que peuvent donner le reste du culte. En tout cas, ça dépend desquels. Parfait. Vous vous rendez donc au niveau du quartier de la Croix, c'est bien ça? Yes. Yes. Là-bas, vous y apercevez comme une micro-ville anabaptiste qui se trouverait donc juste en face du port. Vous êtes obligé donc de traverser l'un des ponts de la ville et vous vous retrouvez... à l'intérieur de ce dernier, sur lequel vous avez des grandes places et, sans surprise, énormément d'anabaptistes. Ainsi que plusieurs sorties au loin, vous voyez des ascètes pouvoir partir dans quelques champs cultivés ces derniers. D'ailleurs, alors que vous passez, vous êtes surpris que certains semblent reconnaître Mokosh. Vous pouvez entendre des petits chuchotements, ou en tout cas des gens qui émettent des doutes quant à son identité. C'est assez compliqué parce que les gens connaissent pas forcément sa tête, mais que ce soit son tatouage, ses cicatrices ou encore justement les trois croissants de lune qu'elle a sur le front, eh bien finalement, une espèce de portrait, on va dire, un peu robot idéalisé semble s'être propagé à certains endroits. C'est elle? Ouais, je sais pas. Elle ressemble un petit peu quand même. Ouais, c'est gaffe. À peu près ça. Arrêtez, nous a foutu dans la merde de pays. C'est à côté de la merde du pur carré. Qui a dit ça? Ah. Ok. Non, en effet, Mokosh, même si tu sais que, en effet, t'aurais pu diviser certains membres du culte, ici, l'approche semble plutôt amicale. Tu as même, au niveau d'une espèce de taverne, une espèce de gros bras anabaptiste qui doit faire quasiment 2 mètres avec des cheveux longs tressés, ainsi qu'une grande barbe blanche et une hache à deux mains attachée dans le dos. Les bras croisés, te regarder et te faire un hochement de tête presque en signe de respect. Juste après que les gens à côté de lui se soient mis à parler en vous regardant. Après, toute proportion gardée, l'intégralité du quartier semble pas être en connaissance de qui vous êtes. On parle pas de star non plus. Mais voilà, une petite réputation, c'est fort. Et tout le monde semble avoir son petit avis sur la question. Et je vais en profiter pour retourner au niveau de Torik et Jacquard. Vous êtes arrivé à l'hôpital, et Torik, tu as dû participer donc à une séance de décontamination. Ça va te prendre un petit peu de temps, et cette dernière va être intégrale. De ton côté, Jacquard, tu obtiens un passe-droit un petit peu, on va dire, prioritaire pour la zone de... Pour mince. La zone de décontamination ? Alors... Pour te faire décontaminer, même si t'es pas dans la même zone que, où se trouvent les anabaptistes, les hospitaliers, pardon, et tu as le droit à quelque chose d'un petit peu plus sommaire. Oh, c'est dommage, je t'aurais bien invité à faire la totale avec un lavement complet. C'est ça, il y aurait eu le lavement, il y aurait eu le rasage intégral. Bon, comme les anabaptistes. C'est une superbe expérience. Décidément, on va bien le faire. Non, t'es conduit dans les, au niveau des salles chirurgicales où tu vois plusieurs médecins, c'est ton niveau. D'ailleurs, Torik, alors que tu te bats dans les couloirs dans le but de préparer cette dernière, tu surprends quelques discussions entre plusieurs hauts placés du hôpital qui semblent dire « En effet, on a relevé un taux de spore plus élevé qu'à la normale, il va falloir qu'on trouve une solution. » Bon, okay, quelques bruits de couloirs comme ça. J'écoute. Ouais, t'écoutes. T'en apprendras pas grand plus. La situation semble pas être critique, mais il semblerait en effet que... les forts vents qui soient survenus ces derniers temps et oui. C'est pas alarmant mais bon c'est ça peut être gênant quoi. C'est ça, exactement. Un peu plus tard, tu te rends donc dans cette salle, tout le matériel est à disposition et tu vois qu'on a détaché spécialement pour toi plusieurs autres hospitaliers prêts à procéder à l'opération. Voilà, c'est la salle d'opération, c'est ça que je cherchais comme mot. À côté sont disposés les différents matériaux, et tu vois que certains semblent assez désireux de se mettre à la tâche. En effet, on parle pas de n'importe quelle opération, et tu sais que ça fait un peu, on va dire, bonne figure au niveau des appréciations pour pas finir envoyé sur le front d'ici les semaines suivantes. Notamment au niveau des fameux lanciers qui se trouvent avec toi. Et tout, t'as pas que ça, et t'as d'autres hauts placés d'hôpital, puisqu'il faut un petit peu de tout pour être sûr de mener cette dernière affaire. Écarte-toi, on te demande de te détendre, et tu vois qu'on te fait prendre 2-3 produits pour essayer de t'aider à partir un peu plus vite. Tandis qu'on continue de t'inspecter et qu'on s'apprête à procéder à l'opération. Toric, je vais te demander une série de jets. C'est l'ablation des... Je vais te demander un jet d'intellect, médecine, sachant que tu auras le droit de relancer jusqu'à 4 dés tout au long de l'opération. Alors tu m'as dit... Ça va être un petit peu plus. En fait, tu vas avoir 3 lancers de dés à faire. D'accord. Sur chacun de ces lancers de dés, tu vas avoir des paliers à atteindre. D'accord. Et tu auras le droit en tout à utiliser un nombre de 4 lances, qui en fait symbolise les autres membres qui t'aident lors de l'opération, puisque tu n'es pas le seul à la faire. D'accord. D'ailleurs, donc là, avant de procéder à cette manière, tu vois l'un des hospitaliers qui t'adresse ces mots. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors disons que nous avons été dépêchés sur une zone qui nous a mis en contact direct avec un... J'ai oublié le nom. un homo de génétique. Ouais, un homo de génétique. Oui, mais je voulais trouver le nom. Le nom, un psychokinésiste. Un psychokinésiste, voilà. Qui nous a mis en contact direct avec un psychokinésiste. Celui de Lucatore. Celui c'est qui ça. A détruit la ville. Exactement. Et d'ailleurs, c'est... survécu. C'est ici même que j'ai perdu ce bras. Et je lui montre un bras. Ouais. Tu vois qu'il le regarde, ensuite il jette un coup d'œil à Jacquard et il a du mal à imaginer l'enfer qui a pu se passer là-bas cette nuit-là. Vous savez, j'étais un ami de Carmino Ferro. Enfin, un ami. J'avais sympathisé avec lui lorsqu'il s'était rendu au hospital la dernière fois qu'on l'a vu ici. On m'a appris qu'il n'avait pas survécu non plus. Oui, c'était un ami également. Il était avec nous quand il est mort. Nous avons été... il a été malheureusement propulsé pendant l'attaque. Et on n'a pas réussi à le sauver, malheureusement. Une triste perte pour l'hôpital. Enfin. Voilà. Écoutez, je pense que maintenant, il faut qu'on se concentre un petit peu. Cette opération va être compliquée. C'est pas le genre d'opération que nous faisons régulièrement. Donc je vais vous demander de rester concentré sur celle-ci. Parfait. À ce moment-là, tu vois que pareil, il semble avoir un regard relativement déterminé. Je vais donc te demander un premier jet d'intellect médecine. Et je ne te donne pas le palier. Ok. D'accord. Alors, c'est le moment où je croise les doigts. Et je vais bien. Sachant que tu as le droit de relancer 2 fois. Enfin, en gros, ton nombre d'alliés. Alors, le premier jet est de 4 réussites, dont un déclencheur. En effet, tu arrives à passer la première étape. Je te donnerai toujours pas le seuil. Je trouve ça plus. D'accord, d'accord. Donc, tu commences à t'équiper de ton matériel. Les gens, Jacquard, commencent à t'immobiliser. Peut-être que tu commences à stresser. Dis-moi dans quel état tu te sens juste avant de subir le truc. Est-ce que tu... Bah, je fixe le plafond et puis je sais pas trop y penser. Je sais pas. On va pas donner un truc genre pour serrer les dents ou un truc, je sais pas. Si, en effet. Ouais. Ainsi que des produits visiblement à base de plantes pour essayer de t'aider à te détendre et presque de planer un peu. Ah, c'est pas de la sepsie. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ici que vous en trouverez, rigole l'un d'entre eux, à travers son masque. Je pense pas, non. Ouais, bah parfois les avances sont trompeuses. Je dis à mon collègue, c'est sûrement les produits qui font délirer. À ce moment-là, tu sens une espèce de cutter, ou en tout cas une lame se planter au niveau de ta chair, au niveau de ton moignon, et réouvrir cette dernière. Ton sang commence à couler, évidemment, on t'a fait quelques gargouilles pour éviter que tu te vides littéralement entièrement. Et tu commences à mordre une espèce de bout de bois. Bien sûr, on ne connaissait pas l'anesthésie. Ça n'existait pas. Il a été anesthésié. Tu peux pas subir une opération comme ça sans être anesthésié. Ouais. En effet, il va commencer à partir complètement. Après, ouais, voilà, pour quelque chose qui n'est pas, on va dire, critique. D'accord. Vous avez des moyens malheureusement un peu limités, surtout en tant que. Et là-dessus, nous allons repasser à l'autre groupe qui se trouve donc dans les quartiers de Justicienne, dans le quartier de la Croix, pour être plus précis. Qu'est-ce que vous faites exactement maintenant que vous vous trouvez au milieu de tous ces gens? Est-ce que officiellement on a prévenu du coup les Anabaptistes ou pas encore? Pas encore. Pour moi, vous êtes juste là. Moi, je pense qu'on peut aller au bar d'en face, de toute manière, et demander à trois Anabaptistes. Je suis sûr. Est-ce que. Je suis d'accord, mais est-ce que sur moi j'ai mon fameux XP 13, 3, 15, 20? Oui. Je considère que tu l'as toujours avec toi. Oui, c'est vrai. Désolé, j'ai oublié. Du coup, j'aimerais bien quand même le poster, tu sais, genre, au milieu de la rue, entre le bar où il est et le bar où on va chercher des anabaptistes, comme ça, pour surveiller, voir si, enfin, surveillant surtout le bar d'en face, mais après, je le mets au milieu pour éviter que, de perdre la distance, tu vois, que je perde la connexion. Okay. Et du coup, juste comme ça, je peux me permettre de surveiller qu'ils sortent okay, pas. Ouais, mais ils sont un petit peu plus proches de leur bar à eux que du quartier de la Croix. Tu perds donc un peu de vue Mokoche et Casse-Gueule, mais ça. Ok. Bon, ça va. Ok, parfait. Bah, comme du ça, coup, Mokoche et Casse-Gueule, vous vous rendez dans l'un des bars, c'est ça, pour essayer de. Est-ce que vous aviez pris. Attends, que je dis pas de bêtises. Tu avais laissé Maria et Noah. Maria et Noah s'occupent de. Et pour Bambino. Ok, voilà, c'est parfait. Très bien. Du coup, Mokoche. C'est ça, le plan te va. Ok, bah. Tu rentres du coup dans l'un des bars à Orgastique en compagnie de Casse-Gueule et tu vois lorsque tu rentres l'espèce de tavernier, je sais pas si ça se dit, désolé, mais tavernière. Désolé, on sert pas les enfants ici. C'est sur le ton de l'humour, il a l'âge de boire, mais. Tu sens que c'est une petite pique qu'on te lance à l'entrée. D'ailleurs, ça le fait grogner un peu. Ça va, il a l'âge pour les piles ou pour l'alcool. À ce moment-là, t'entends 2-3 orgastiques rigoler de l'autre côté de la salle. Je me tourne vers eux. Ok. Ils sont combien, cette... Tu vois qu'ils ils sont trois en train de discuter et jouer aux cartes. Vous voulez quelque chose? Ouais. Ce que vous avez de plus fort... pour mon ami ici présent et les trois à la table là-bas. Très bien. Tu vois qu'elle commence à te sortir 2-3 bouteilles posées au niveau d'une petite étagère. Elle pose 5 verres. 4, tu te comprends dedans ou pas? Non, je me suis pas compris dedans du tout. D'accord. 4 verres. Et elle les remplit de son alcool le plus fort. Vu la couleur du truc, tu ne saurais même pas dire ce que c'est. Okay. Elle te l'étend et elle te fait... Bon, vu que vous êtes de la famille, ce sera 8 lettres d'échange. Ok, bah je lui passe. Ok. Je laisse les radios de ta fille. Yes. Tu sens qu'on t'a également fait un prix parce que c'était la première fois que tu... Peut-être que ça a coûté plus cher, t'en veux. Casse-Gueule, lui, le prend d'un coup, enfin d'un coup, il le boit pas encore, mais je veux dire, il chope le verre, plus un petit verre type verre à shot, assez heureux d'avoir, d'être considéré comme un adulte, et vous les rejoignez. Yes. Elle pose le reste sur la table, et tu les vois qui prennent ces verres, donc pour les décrire un petit peu, le premier d'entre eux est un blond avec une espèce de. Pas de bandana, mais de... Si, c'est ça, je crois, le bandana qu'on met dans les cheveux pour se maintenir les cheveux en arrière. Quelques tatouages, et évidemment, voilà, comme tous les anabaptistes, trois tatouages sur le front et puis un anneau percé à l'intérieur du nez, un septum. L'autre, lui, a les cheveux qui tirent légèrement vers le roux, tandis que le dernier, lui, malheureusement, n'en a pas du tout et quand même une espèce de grosse masse musculaire assez imposante, avec des yeux bleus très clairs. Il me semble que je me souviens d'avoir lu dans la description des anabaptistes qu'on pouvait connaître leur rang par rapport à certains tatouages, c'est ça ? En effet, ça me dit quelque chose, ouais, c'est pas impossible. Après, eux, à leur tête, tu sais clairement qu'il s'agit d'orgastiques. Ça n'a pas l'air de fureur, ils n'ont clairement pas l'allure, et ils n'ont pas non plus l'allure d'Asset Anabaptiste, tu vois, qu'ils ne sont pas dans les champs, ils passent pas leur journée dans les champs à s'occuper de quoi que ce soit. Okay. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur ? Disent-ils, enfin, dit l'un d'entre eux en chopant. Un petit remontant avant le boulot qu'on va faire ensemble. T'as besoin d'aide pour quoi ? Pour traverser la rue et tabasser un vendeur d'enfants. À ce moment-là, il y en a l'un des trois qui te fait pas si fort. Le. Vous voulez dire que le démiurge se serait développé si près de notre quartier sans qu'on s'en rende compte ? En effet. Vous rigolez. Il a étendu ses tentacules profondément dans notre communauté. Dans notre communauté ? Comment ça ? Comment il aurait pu s'installer ici si c'était sans l'aide de certains ? À nos yeux et à notre barbe. Nous allons réparer cet affront avec vous. C'est payé ? Accessoirement. Nous irons quoi qu'il arrive. En fonction du boulot, ce sera payé sûrement. Donnez-nous 10 minutes. Très bien. Voilà, tu les vois qui prennent leur verre, et puis qui commencent à se lever, aller chercher leur matériel, qu'ils ont dû accrocher ici et là. Pendant ce temps-là, Flux, alors que toi tu attends et que tu regardes, tu vois qu'il semble pas vraiment y avoir de mouvement au niveau de l'auberge. Malheureusement, l'auberge et l'entrepôt, t'as difficilement un visuel global sur toute la zone, et l'image est un peu brouillée, hein. Pour rappel, c'est quand même... Bon, ça c'est révolutionnaire, mais derrière ce que tu as, et du coup, malgré ça, vu que c'est dans un monde qui est quand même... Malgré le fait qu'il soit post-apocalyptique, c'est quand même assez compliqué d'avoir quelque chose de très bonne qualité. Oui. Malgré tout, d'un moment, tu observes quelque chose. Pas via ton drone, mais via tes propres yeux. De l'autre côté de la rue, un enfant te fait signe d'approcher. Eh bien, j'y vais. J'ai confiance aux enfants. Il rend et tu vois qu'il dit changement de plan. Mm-hmm. Il faut que je vous montre quelque chose. Et à ce moment-là, tu vois qu'il commence à sortir vivement quelque chose de sa poche. Enroulé dans une espèce de petit tissu et quitte le temps. Je le prends. Tu le prends. Et au moment où tu l'ouvres, tu observes une espèce de doigt coupé. Et juste derrière ta tête, tu sens un énorme coup. Je vais quand même te demander un petit jet d'agilité mobilité. Ah. Attends, tu t'étais pas enfoncé profondément dans la ruelle, donc t'imagines que la personne qui est visiblement en train de t'agresser a dû surgir comme ça au milieu de nulle part pour et je vais faire mon verre. J'ai fait 3 réussites et 1 déclencheur. Malheureusement, ça va pas être suffisant. J'ai fait 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Ouais, sur 7D, j'étais plutôt chanceux. Tu t'affales au sol, d'un seul coup t'essayes de te retourner, mais malheureusement tu te prends un nouveau coup en plein visage, t'as à peine le temps de voir ce qui se passe, l'image sur laquelle tu te trouves te brouille, et d'un seul coup tout ce que tu vois avant de t'évanouir, c'est l'espèce de silhouette d'un pied très rapproché t'arriver en pleine face. Et puisqu'on se trouve dans un film hollywoodien, tu ne meurs pas d'une hémorragie interne, non, d'un traumatisme crânien, juste tu t'évanouis et tu te réveilleras dans quelques minutes. Quelques instants plus tard, enfin quelques instants, on va pas compter ça en termes de secondes, mais plutôt d'un quart d'heure environ, arrive sur la place, Mokosh, Casse-Gueule et trois anabaptistes armés jusqu'aux dents. Et l'endroit est complètement vide. Ah. J'imagine... J'imagine que... aucune trace de efflux à aucun endroit. Il a fait moins jet de perception. Donc instinct perception. Yes. Je vais en faire un pour Casse-Gueule aussi. Et un pour eux. Deux réussites, dont un déclencheur. Ok. En effet, vous fouillez un petit peu la zone autour et au bout de quelques instants, on t'interpelle. Juste ici! Tu vois que l'un des gars que tu diriges, en effet, au niveau de la ruelle, a découvert quelques traces de sang dans cette dernière. Malgré tout, ce dernier semble avoir quelque chose de relativement particulier, puisque le sang semble légèrement tiré vers le bleu. Mais ça ressemble très clairement à du sang. Et si jamais tu t'y colles, ça en a même le goût. Je suis pas sûr que je vais goûter un truc bleu, mais oui, j'imagine. En tout cas, l'un d'entre eux le fait. Est-ce qu'il y a moyen de voir si ça continue à goûter dans une direction? En suivant un petit peu les traces, vous voyez que ça s'enfonce légèrement dans la ruelle, et qu'ensuite ça semble rentrer à l'intérieur d'une espèce de petit bâtiment. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de traces après, vu qu'à la porte. Vu que dans ce quartier tout est un petit peu connecté, vous vous demandez si ce dernier ne pourrait pas être directement lié finalement aux entrepôts dont vous voyez le sommet dépasser un peu. Je vais faire signe à mes compagnons de se mettre en formation avec moi et on va avancer vers cette direction-là. On aurait juste une question. Si c'est votre ami qui a disparu, vous pensez que c'est son sang qui est de cette couleur? Enfin, je veux dire... C'est quoi comme truc? Vous avez parlé d'un chroniqueur, mais c'est bien humain. Enfin... Alors, pour être honnête, j'ai essayé, mais j'ai jamais rien vu en tout son masque, donc. D'accord. D'accord. Pour être honnête, vous voyez absolument pas qu'est-ce qui pourrait avoir du sang bleu dans cette univers. Vous avez jamais entendu parler de quelque chose d'aussi similaire. C'est peut-être une fuite de liquide de refroidissement d'armure de chroniqueur, aimé l'un d'entre eux. Oui, ça peut être un... Oui, il a pu se faire entailler, et le sang a coulé, et il s'est aussi mélangé à peu importe quel dispositif il a sur lui, pour parler ça bizarrement. Ça doit être ça, parce que ça ressemblait quand même vraiment à du sang, rétorque le dernier. On lui demandera quand on l'aura retrouvé. Allons-y. À ce moment-là, ils suivent tes ordres. Et vous toquez à la porte, c'est ça? Ah, je vais toquer, je suis poli. Ok. Tu toques. Et à ce moment-là, nous allons passer à... Torik. Il va pouvoir m'effectuer son second jet. Tandis que cette fois-ci, Jacquard n'est plus du tout conscient. Ouais, je peux faire ce que je veux. Il va me fixer le bras, mais au plein milieu du torse. Il va inverser le bras et la jambe et tu vas avoir la jambe à la place du bras. Alors là je pense que je vais relancer. Il vaut mieux. Il va couper le deuxième bras pour le mettre. Alors sur... Genre, j'avais une réussite. Très bien. Mais j'avais... deux comme ça. Donc j'ai relance. Sur un échec critique. Pour rappel, il reste 4 relances. Est-ce que tu vas en utiliser? Bah oui, mais je vais les relancer là, en fait. Ok, très bien. Et ben, je te laisse les faire. Tu peux relancer jusqu'à 4 dés. Ou en conserver des relances pour le dernier jet qui arrivera juste après. En pleine opération, le sang commence à couler relativement abondamment. Et vous savez, vous commencez à paniquer parce que vous savez que si la situation dure, vous pourriez potentiellement entraîner un décès du patient. Au final, ça me fait deux réussites, dont un déclencheur. Donc du coup, ça équilibre avec les... Ok. Ça enlève les deux. C'est pas top. Tu commences en effet à lancer des ordres à droite, à gauche. Resserrer les garrots, changer les bandages, maintenez la plaie fermée ou inversement ouverte. Enfin, en tout cas, voilà, tu donnes des ordres dans tous les sens et tu vois les gens qui commencent à s'empresser d'effectuer ce que tu demandes. Vous effectuez désinfecter certaines des plaies. Et au bout de quelques temps, tu sens que tu commences à stabiliser la chose. Mais que malheureusement, l'opération pour l'instant est mitigée. Ça stagne un peu, quoi. Allons tout de suite réenchaîner sur Efflux. Efflux, tu te réveilles quelques instants, minutes, heures, tu ne saurais pas trop dire, plus tard, avec une espèce de grand mal de crâne. Attaché à une chaise, les mains liées dans le dos par des espèces de menottes électroniques, le genre de truc qu'on a dû piquer à un juge ou à un chroniqueur. T'as jamais vraiment vu ça de ta vie. La chaise également est en acier, tu trouves, dans une espèce de petite salle très poussiéreuse, sans fenêtre, avec autour de toi plusieurs silhouettes, et tu devines assez facilement... que tu devines assez facilement être des membres du cartel. Avec eux se trouve un enfant avec une espèce de chaîne autour du cou, mais pas attaché, juste il a un truc. Et un homme avec des espèces de cheveux mi-longs tombant sur le visage, presque une coupe au carré, mais un peu, très aléatoire et pas du tout soigné. Ainsi que des bouts de peau qui pèlent comme s'ils avaient été ravagés par une tempête de poussière ou juste un froid ou mal entretenu. Tout ça. Sur sur certains d'entre eux, en effet, tu vois également, justement, c'est d'ailleurs ça qui t'a mis la puce à l'oreille, j'aurais dû commencer par ça, des espèces de tatouages indiquant justement soit un C, soit ce qui semble être le mot cartel. En termes de subtilité, on a connu mieux, mais ça semble pas être les genres de gens que tu croises dans la rue en temps normal. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Croco ? Enfin, lui ou elle. À ce moment-là, l'homme aux cheveux mi-longs, lui tombant sur le visage, s'avance en lâchant l'épaule du gamin sur laquelle il venait de la poser. Et il fait... C'est une bonne question, ça, en effet. Qui es-tu ? Est-ce que ça parle ? À ce moment-là, il se retourne vers l'enfant. D'ailleurs, tu reconnais celui de tout à l'heure qui t'a attiré dans la ruelle. C'est vrai que t'as pas fait gaffe sur le coup, mais... De loin, tu l'avais jamais vu, celui-là. L'enfant acquiesce. Il semble avoir l'air complètement terrifié. D'ailleurs, tu vois que plusieurs d'entre eux sont armés. La plupart sont armés seulement de simples couteaux, comme si... en même temps, ils le sont relativement en position de force. Inutile de dire que toi également, tu étais désarmé. En tout cas, ton équipement, de toute façon, tu peux pas fouiller tes poches. L'un d'entre eux semble avoir une espèce de pistolet, ou tu saurais pas trop dire, de revolver en tout cas, dans sa botte, et un autre un shotgun, en tout cas leur chef, donc Croco visiblement, un shotgun à l'intérieur de son pantalon, qui dépasse de sa poche, tout simplement. Alors, tu parles ou on te fait parler ? T'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu remarques également que tu saignes et tu entends le petit ploc-ploc du sang qui coule au sol. Et en effet, celui-ci semble visiblement avoir une apparence bleutée. À ce moment-là, un des gars dans la pièce dit « Faudra peut-être le tuer, peut-être qu'il est en communication avec les autres chroniqueurs qui vont débarquer. » Pas faux. Commencez par lui enlever son masque. On va voir qui se cache de l'autre côté. À ce moment-là, l'un d'entre eux s'approche de toi. Tu restes plutôt immobile. Oui. Sachant normalement que tu as un système un simple masque à lanière. Et aussi. En effet, au moment où il s'apprête à poser sa main au niveau de ton visage, Il y a une espèce de petite étincelle qui semble se créer. Il retire sa main au dernier moment, juste avant d'avoir un petit zoom qui apparaît juste à ce niveau-là. C'était quoi, non, ça mon costume s'illumine aussi, du coup. Oui, également, en effet. Ça a pour but d'effrayer. Tu vois, malgré tout, en fait, malgré le fait que tu sois attaché et très clairement en position de faiblesse, il y a une espèce d'aura, l'aura typique justement des chroniqueurs, qui semble te donner avantage. Tu te rends contrairement compte que si t'étais un simple citoyen, tu aurais déjà pris des coups en plein visage, voire même des coups de couteau dans le ventre. Mais là, il semble un peu être hésitant. Ce qui d'ailleurs est relativement marrant comme situation. Faut imaginer que t'es prisonnier, mais que tu sembles avoir l'espèce d'avantage, on va dire. En tout cas, tu mènes la discussion malgré tout. Et on peut parler de discussion. Pendant ce temps-là, Mokosh, avec le reste du groupe, notamment Casse-Gueule, vous avez, tu sais, les espèces de petites tirettes qui apparaissent. Tu vois justement deux yeux de l'autre côté de la porte qui font. C'est pourquoi ? Je te connais pas, toi. La dernière fois que j'ai suivi des traces de sang et que j'ai dû ouvrir la porte, je l'ai défoncé et j'ai flingué tous les gars à l'intérieur. Tu veux l'ouvrir gentiment ? Vous devez faire erreur. Très bien. De toute façon, la porte est blindée. Tu penses que ça peut faire face à moi et tous mes potes ? Tu veux qu'ils regardent un petit peu derrière ? Écoutez, on veut pas de problème, mais si vous nous causez des problèmes, vous aurez des problèmes encore plus graves à régler. On n'est pas n'importe qui. Et si les autres l'apprennent et qu'ils débarquent, vous êtes morts. Alors dégagez et referme la tirette. Bon, je vais mettre mes menaces à exécution. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je vais faire signe à mes compagnons qu'on va commencer à défoncer cette porte. Très bien. Je sais pas exactement quelle force il faut. Tu commences à les mettre en rang d'aile. Presque un mini-groupe de légionnaires. Composé de trois personnes. Et en effet, tu commences à leur ordonner d'enfoncer la porte. Et tu les vois se jeter sur cette dernière en compagnie de Casse-Gueule. Mais en effet, boum, alors qu'ils atterrissent dessus, tu vois que cette dernière refuse complètement de bouger. Comme si, en effet, visiblement, elle était bien plus blindée que ce qu'on pourrait croire. Alors que ça a l'air d'être un truc relativement miteux. Malgré tout, on parle d'une vieille porte, d'un vieux bâtiment dans une vieille ville. Ça devrait tomber. Pendant ce temps-là, Torik, vous êtes en train de plus ou moins stabiliser Jacquard. D'ailleurs, vous voyez que pendant son espèce d'inconscient, le corps commence parfois à lâcher des légères convulsions, notamment quand vous touchez aux nerfs et aux machineries qu'il y a juste derrière. Et je vais te demander un dernier jet. C'est le moment où je fasse un jet magique. Ouais, c'est le moment où il faut... Pour t'indiquer, tu as fait une réussite et un échec pour l'instant sur ce qui était attendu. Alors, là j'ai fait 5 réussites dont 2 déclencheurs. Est-ce que tu veux relancer des dés ? Il te reste combien de relances déjà ? Bah en fait j'en avais relancé 4 tout à l'heure. Ok, t'avais relancé les 4 ? Parfait. Ouais parce que je voulais vraiment virer, j'avais peur de... Ouais. Et t'avais fait un déclencheur ou pas la dernière fois ? Je l'ai pas noté. Oui, un déclencheur. Ok. J'avais fait 2 succès dont 1 déclencheur. Ok, parfait. Très bien. Tandis que tu participes à l'opération, en effet, tu commences à te rendre compte que tout semble bien se passer. Pour la petite info, il fallait que tu fasses 2 réussites, puis 3 réussites, puis 4 réussites. T'en as fait suffisamment sur le premier jet, t'en as pas fait assez sur le deuxième, mais t'en as fait assez sur le troisième, donc ça fait 2 réussites pour un échec. Ouais. Du coup, l'opération sera une bonne réussite. D'ailleurs, c'est ce qui semble s'indiquer. Pour l'instant, Jacquard est relativement inconscient, ouais. mais tu sais que les choses sont en plutôt bonne voie. Évidemment, il faut imaginer que tout ça n'est pas là, les autres médecins sont quand même à son chevet et vous continuez un petit peu de, on va dire, nettoyer notamment les blessures. En tout cas, vous avez raccordé les deux membres et vous attendez plus ou moins son réveil pour voir si ça a vraiment fonctionné. C'est difficile de savoir si le mécanisme se fait, surtout que c'est vraiment pas quelque chose que vous maîtrisez non plus. C'est des opérations qui sont extrêmement rares et qui sont réservées à une certaine élite. Bah, en fait, les gens qui peuvent se procurer ce genre de membres. Bah, c'est surtout qu'après, on a les œdèmes dus à l'opération qu'il faut qu'ils dégonflent. Bien sûr. Ça désenfle et c'est seulement là où on sait que... Oui, et puis des fois, d'ailleurs, c'est vrai que je le passe, parce qu'en plus, toi, t'es hospitalier, donc t'as une très bonne hygiène, mais des fois, ça s'infecte, des fois, tu vas avoir un petit grain de sable qui va se coincer. C'est, ouais. C'est clairement pas quelque chose de très facile à vivre, mais c'est toujours ça. Tu sais, en effet, par le passé, toi, t'en avais déjà entendu parler une fois d'une telle opération, qu'une telle opération aurait été effectuée, mais t'y croyais pas spécialement, ce qu'on pourrait raconter tout et rien dans les couloirs du hôpital, et en tout cas, tu n'avais jamais rencontré de personne avec de vraies prothèses par le passé. En fait, t'es la première personne avec Jacquard. C'est ça, on est des précurseurs. Exactement. Ouais. Pendant ce temps-là, Flux, tu es attaché à ta chaise. Tu vois que les autres commencent à en avoir marre de te regarder comme ça immobile. Ils te posent des questions. Et d'ailleurs, à certains moments, t'auras surpris l'un d'entre eux choper une espèce de barre de fer, style tuyau qui traînait dans le coin de la pièce, et te donner un ou deux violents coups au niveau du ventre avec ce dernier. Sous ton masque, tu sens du sang justement couler le long de ta bouche et justement se glisser entre ta peau et ce dernier. Étonnamment, le premier truc auquel tu penses par rapport à ça, c'est de nettoyer tout ça. C'est vraiment pas top. Et évidemment, tu ressens également une intense douleur. Malgré tout, tu vois qu'ils osent pas trop balancer des coups et qu'ils les retiennent légèrement, puisque à chaque fois qu'on te frappe, ça semble développer une certaine étincelle. Et qu'à un moment, l'un d'entre eux semble s'être un peu cramé le bout des doigts, comme si le tuyau avait conduit justement une décharge électrique assez puissante jusqu'à ses doigts. Malgré tout, la situation légèrement en latence qui s'effectue. Tandis que les quelques gars te tournent autour et discutent entre eux à haute voix. On devrait le saigner comme un porc d'un seul coup, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut nous voler? Mais il nous voulait rien du tout. Et quelques théories d'ailleurs plus ou moins bonnes. Et s'il était lié à ce qui s'est passé la dernière fois avec la dernière cargaison? T'as vraiment rien à dire? À ce moment-là, tu vois Proco pointer son shotgun en direction de ton visage. Je pense que vous faites erreur sur la personne. Ah, ça parle. Et pourquoi est-ce qu'on ferait erreur sur la personne? On sait même pas qui t'es. Exactement. Si vous savez pas qui je suis, pourquoi vous en prenez à moi? J'aime pas les gens qui me cachent des choses. Et j'ai une réputation à tenir si les autres membres du cartel apprenaient que je me laissais marcher dessus. Tu comprends, mes supérieurs ne seraient pas vraiment très contents. Mais tu sais quoi, tu vas me dire qui t'es au final. Et à ce moment-là, tu le vois qui... approche sa main de ton visage, tandis que les autres se réunissent un peu au fond de la pièce derrière lui, tu sais, comme en mode vraiment force de groupe. J'en ai rien à faire des petites étincelles, tu sais quoi, j'en ai déjà buté plusieurs des chroniqueurs. Et s'il y a un truc que j'ai appris avec vous, c'est que c'est toujours du bluff. Et à ce moment-là, il colle sa main au niveau de ton visage, d'une puissance assez phénoménale, il est vraiment déterminé à te l'arracher. Malgré les décharges. Et tu sens en effet un doigt ou deux traverser, tu sais, les espèces de jonctions qui peuvent se trouver en haut et normalement collées sur le reste du visage. Tu sais, vu que le masque est en plusieurs parties. Les doigts se passent derrière et tu sens la pression commencer à tirer tandis que, évidemment, le mécanisme de sécurité se déclenche et qu'une espèce d'énorme décharge lui pète en plein les doigts. En plein milieu des doigts, pardon. D'ailleurs, tu sais que le mécanisme était pas trop mal fait, tu t'en prends pas plein le visage non plus, sinon tu ressemblerais sans doute à Palpatine. oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait c'est juste une question technique qui me vient, enfin je l'ai depuis le début, mais je me branche parfait pour la poser. Voilà, mon vocodeur peut être activé, c'est pour activer le... Oui. De toute façon, là. Et du coup, la question c'est en vrai comment ça s'active, tu vois. Genre, est-ce que c'est un truc que j'active comment ça s'active? Est-ce que c'est un truc que j'active manuellement? En effet, il faut que je le tourne, mais peut-être qu'il y a moyen de le faire mécaniquement. Après, vu que tu peux un peu contrôler l'armure aussi de l'intérieur d'une manière ou d'une autre, je considère si c'est juste utiliser le vocodeur, je vais te l'accorder. Ok. Donc, le chapitre des chroniques. Au pire des cas, on peut très bien imaginer que j'ai construit un truc et ça, est-ce que j'ai. Parce que j'ai passé mon temps, de toute façon on en a parlé, mais à construire des trucs pour l'automatiser. Bien sûr, ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec? Pour l'instant, je veux juste voir comment il réagit à la décharge, à la grosse qui s'est prise. voir s'il revient ou pas. Parce que s'il revient, en fait, je vais activer le vocodeur et lui faire l'ultrason pour l'éloigner. En effet, quoi. Tu vois qu'il semble retirer sa main, et puis d'un seul coup, genre comme s'il avait pas froid aux yeux, tu sens déceler chez lui une espèce de folie sous-jacente ou une immunité à la douleur relativement énotante. C'est sans doute également un gros manque d'empathie. Tu vois qu'il se redirige en face, en fait, comme s'il était presque énervé, il est frustré. Il est vraiment en train de passivement lui porter atteinte, et il déteste ça. Alors, il repointe à nouveau sa main au niveau de ton masque, de nouveau aussi au niveau des mêmes endroits, en collant l'autre maladroitement, vu qu'il tient son shotgun également, au niveau de ton épaule pour essayer de le tirer. À nouveau, une nouvelle décharge, même si les batteries commencent, mine de rien, à se vider, depuis tout à l'heure, tu les utilises, et ouais. C'est pas non plus infini, commence à se propulser, et tu t'apprêtes du coup à balancer vraiment la sauce, si j'ai bien compris. Exactement. Très bien. Je vais demander un jet. Ah, le vocodeur, on avait dit c'est un combo entre, il me semble, intellect, engineering et psyché domination, si je dis pas de bêtises. Le premier jet, je me suis écrit sur un petit peu, parce que sinon j'ai oublié. Le premier jet, j'ai fait 4 réussites et 2 déclencheurs. Ouais. Et le deuxième jet, ça, plus raisonnable, ça va, c'est 3 réussites, 1 seul déclencheur. Ok. Donc ça fait un résultat de 3 déclencheurs en tout, c'est bien ça? Ouais. Ok, c'est pas mal. En effet, ça permet de le déstabiliser relativement bien. Au moment où il pose sa main à nouveau, il se prend la décharge. Tu sens qu'il est propulsé en arrière tandis que tu balances tout le truc avec le vocodeur et que tu balayes la salle. Malgré tout, j'ai fait un très bon jeu également. Au moment où il part, le masque part avec. Ton visage se dévoile. Tandis que ses bras semblent tomber et légèrement trembloter suite à la portante décharge qui s'est pris. Mais tu vois qu'il rigole un petit peu, comme s'il avait réussi à te percer à jour. Et tu vois qu'il t'observe en silence, sans rien dire. D'accord. Il semble à la fois peut-être déçu, trop attendu, tu saurais pas trop quoi dire. Et puis, tu remarques un truc. Fais-moi un jet de perception, pardon. On va voir. Et j'indique par exemple que ma réaction n'est pas... Ouais. Démesurée, on va dire. J'ai pas beaucoup d'effets, je sais pas. Ouais, pour pas beaucoup de jets, ça va. Ça fait 2 réussites, 1 déclencheur. D'accord. Sur 3G, franchement, après tout. Tu sais quelle est ta réaction à prime abord, tandis que tu sens l'air collé contre ta peau et le sang continuer du coup de couler puisque le masque ne freine plus Ma réaction est... Et que ta voix n'est plus modifiée, d'ailleurs. Peut-être un peu déconnecté, d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas encore dit un mot. Peut-être un peu déconnecté au sens où... Je vais pas surréagir ni non plus être en mode oh mon dieu, rien de jouer mon masque, mais. Parce que finalement, pour moi, à l'heure actuelle, ça a pas l'air d'être aussi grave que ça pourrait l'être. Et du coup, j'ai toujours. En fait, j'ai un regard un peu déterminé, mais. Je suis dans la surprise, mais tu vois, sans. Ce sera émotionnellement fort pour le moment. Tu remarques également un truc, l'énorme coup de jus qu'il y a eu final, tandis que d'activer ton vocodeur, semble avoir balancé une espèce de gros court-circuit dans toute l'armure. Tu sens d'ailleurs certaines parties semblent déconner légèrement, ce qui à la limite n'est pas ta priorité pour l'instant. Et tu remarques également autre chose, en tout cas deux éléments. C'est vraiment très drôle les têtes de mort. Le premier, c'est que tes menottes, qui pour rappel était électronique, ont également pris le coup qui a été conduit par le reste de l'armure et sont mortes. Genre elles sont plus accrochées qu'à l'une main et le truc ébranque-ballant, la serrure a complètement été défoncée. Ça n'a pas supporté le coup. La deuxième, et là ça commence vraiment à devenir intéressant, c'est que pour rappel, Croco possédait un shotgun dans sa main. Lorsqu'il a été propulsé en arrière, il l'a fait tomber à tapis. À ce moment-là, on va passer à Mokosh et le reste du groupe qui, depuis le temps, arrive à péter la porte et à rentrer à l'intérieur du petit couloir. À l'intérieur, en effet, vous voyez une espèce de grand couloir, un peu le genre de coin où normalement vous attendez à trouver des gens allongés contre les murs en groupe en train de prendre de la brûlure. C'est ce genre de petit coin un peu sombre avec aucune fenêtre qui, au loin, s'en donnait sur plusieurs salles. Très bien. Vous rentrez à l'intérieur, du coup, j'imagine ? Ouais, on va s'engouffrer là-dedans. Et... Tu vois qu'il n'y a plus le mec de tout à l'heure au niveau de l'entrée. Oh, je m'en doute qu'il n'allait pas attendre derrière pendant qu'on défonce la porte. Non, il est sans doute parti en courant. Tu vois que c'est assez serré en fait. Genre, vraiment, c'est un petit couloir, mais ça semble être assez profond. Il semble y avoir pas mal de chemins. Tu te dis que ça se trouve, c'est presque comme un mini réseau, peut-être développé entre plusieurs bâtiments. Tu sais pas trop. C'est un petit peu étrange ce qui se dévoile devant toi. Je pense qu'on va au moins checker pièce après pièce. Juste un petit regard au moins pour être sûr. Ok. Dans les premières pièces, vous trouvez quelques morceaux de ferraille ainsi que ce qui semble être des artefacts. Sans doute déterré par des ferrailleurs, entreposé au milieu de bourgeons de brûlure et d'épines, enfin et d'aiguilles, pardon. À un moment, vous entendez une espèce de bruit, comme un choc, un boum, au loin qui résonne dans l'espèce de dédale de pièces au niveau du couloir, comme si quelque chose se passait au loin. Si c'est possible, j'essaye de suivre ce son. Ok, bien sûr. Pendant ce live flux, qu'est-ce que tu fais? Vu l'invitation que tu de me donner. Ouais, c'est bien comme match. Évidemment, je me jette sur le sur le shotgun et tu te jettes dessus, tu le ramasses et à ce moment-là, tu vois, pour rappel, il y en a un qui avait une espèce de revolver au niveau de sa botte, il commence à plonger sa main à l'intérieur de cette dernière pour dégainer. Vraiment, tout se passe en quelques secondes, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vise lui. Vraiment. Fais-moi, évidemment, imagine les gars tout autour en fait qui étaient en train de rigoler parce qu'ils venaient t'arracher ton masque et percer à jour ton armure, qui d'un coup s'arrête en remarquant qu'il y a le putain de shotgun qui est resté à tes pieds et que visiblement t'as une main de libre. Enfin, les deux. Oui. C'est quoi le jet pour va me faire un jet. Alors en fait, c'est compliqué parce que normalement c'est un jet d'agilité, dextérité, mais je vais t'appliquer des bonus parce qu'on parle d'un shotgun et d'une petite caisse à courte distance. Donc pour le coup. Bon. Je vais te proposer genre même 2D en fait, ça, même 2D ça me paraît peu en fait, on va dire 3D supplémentaires. Ok, ouais, j'avoue que ça commence à devenir pas mal. Parce que voilà, enfin je veux dire, même si t'arrives pas à viser, t'as la dispersion donc... C'est comme si je faisais un petit jet de charisme. Attends, j'ai charisme à la place. Jet de charisme pour voir si tu sais utiliser le shotgun de façon classe. C'est plutôt cool. Du coup, j'ai fait alors 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 réussites, mais pas de déclencheur. Ok, 4 réussites, ça suffit. Ok, du coup, tu chopes le shotgun, tu le retournes dans sa direction, et instinctivement, tu penses pas réfléchir au moment où tu vois qu'il commence à pointer son revolver également au niveau de ton visage. Enfin, même s'il y a quelques mètres qui vous séparent, t'appuies sur la détente, et d'un seul coup, t'entends une énorme détonation. Également Mokosh avec le reste du groupe, tandis que vous courez dans les couloirs, vous entendez la même grosse détonation en provenance de quelques trucs, suivi de ton côté à flux d'un énorme sifflement d'oreille qui semble ne pas te quitter, et tu vois une espèce de moitié de corps s'écrouler au sol avec de l'autre côté une tête explosée et un autre gars à côté allongé en train de hurler avec des espèces de petits morceaux de tu sais pas trop quoi, sans doute du coup de balle. Enfin, en plein dans la chair, tu vois du sang couler le long de son truc. À ce moment-là, du coup, le revolver tombe également au sol. Tu sais que tu vas pas, sans doute pas pouvoir tirer un nouveau coup avec le shotgun, mais tu vois les autres commencer à se ruer dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Même si la suite est à peu près tout trop... Oui, effectivement... Voilà. J'ai un shotgun entre les mains, il y a des gens qui me sautent dessus. T'en vois un qui lève notamment dans la celui défense, qui avait quoi, le bon, tuyau, tourne, il le lève et je vais le laisser t'attaquer avant par contre. Parce que ouais, il s'est pas tout en même temps. Bien sûr. Ok, alors lui je vais le traiter à part. Pour expliquer, j'ai fait 2 réussites et 3 têtes de mort. Ah. Donc lui il va s'en... Il va se faire mal, il va se faire une tendinite en l'endroit. Du coup je vais en gérer un autre à côté qui lui va t'attaquer avec... Un coup de poing américain. Ah! Lui, par contre, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites sur 6 dés, dont 2 déclencheurs. Ok. Ok, tu vois qu'il y en a un d'entre eux qui se jette, et au moment où tu chopes le revolver, que tu te retournes, tu te prends une espèce de gros coup de poing, de, justement, du coup, mais vraiment violent, donc tu vois pas le poing américain, mais tu le ressens, en plein visage. Ok, tu vas perdre 5... Non, 4 points de vie. Parce que tu as eu 2 déclenchants. Ok. Bon, t'es pas... c'est pas extrêmement grave, évidemment, t'es relativement sonné, mais tu passes pas en traumatisme, donc t'auras pas de malus sur tes jets. Comment tu réagis? Eh bien, bah, je, comme je le disais, hein, juste pour... Ouais. Pardon, c'est dans le feu d'action, mais ça, je suppose, c'est une, comme c'est une connaissance que j'ai un peu avant, un shotgun, généralement, en fait, c'est... Niveau munitions, généralement, c'est plutôt limité, ou... Enfin, je veux dire, il me semble qu'il faut le recharger quasiment à chaque tir, si je dis pas de bêtises. Vous me reprendrez peut-être. Ça dépend des fusils. Je sais pas exactement le shotgun, si c'est du... Là, je considère que c'est celui qui se recharge à chaque fois exactement. Parce que tu sais, tu dois débloquer... Tu pètes en deux et t'as deux cartouches, en fait. Ouais, c'est ça. Deux cartouches. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux... Je crois que t'es obligé de tirer avec les deux. Ou alors t'as le choix, non? Non, t'as... En fait, t'as deux cartouches, t'as deux tirs. Ça dépend des modèles. Ouais. T'as... Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'il me reste un tir, du coup. Ouais, c'est ça. Parce que logiquement... Moi, j'ai pas de munitions. Logiquement, ouais. Oui, ça. Allez, d'accord. Et au pire, dans tous les cas, on s'en fout. Là, c'est bourré sur l'arme. Je sais qu'il y a d'autres personnes. J'ai été modifié. Voilà. Celui-là qui. Ouais. Du coup, je t'accorde un autre tir avec le shotgun. À condition qu'il soit chargé. Ça, d'ailleurs, je veux le. Oui. Bah, celui-là qui vient de me donner un coup de poing américain, moi, je donne un gros coup de crosse dans la. Ok. La gueule de. Tu lui donnes un coup de crosse, je demande pas de jet pour faire ça, parce qu'il est au corps à corps. Ouais. Quoique aussi, en fait, c'est rigolo. Fais-moi un jet de body melee. Mais la difficulté sera que demain. Parce que je me suis amélioré dans body melee. Oui, amélioré en body melee. Ah, c'est cool. Oui, j'ai fait un, oui, j'ai vrai, fait un level up. Ça me sert enfin. Flux s'est entraîné, il a fait des pompes. Bah, 3 réussites, 2 déclencheurs. Je dis 1, mais je vais faire le jet de défense quand même parce que il a le droit à 2 actions. Ok, bah j'ai raté quand même. Ok. Tu vois, tu lui donnes un coup, en effet, il tombe en arrière derrière. Tu vois qu'il y en a un autre qui essaie de normalement de se ruer vers toi avec son tuyau, mais il est vraiment parti trop loin dans la pièce et t'as clairement le temps de réagir, presque pas tant dans la autant dans la précipitation que ça pour faire quelque chose. Que ce soit lui tirer dessus. Ouais. Bah du coup, moi ce que j'aimerais faire... Il y a l'autre sorte de douleur d'un coin et le cadavre de l'autre qui s'est fait exploser. Là, quoi. Ah oui, mais attends, mais... On va retirer mes armes, je rentre réaliser. Oui, tes armes à toi, tu les as pas. Non mais je voulais lancer un couteau de lancer mais du coup je l'ai pas. Bah du coup en vrai je veux l'attendre pareil tu sais qu'il soit à une distance bah, du coup de corps à corps pour donner un gros coup de cross en premier hein. Ouais. Ça, c'est marrant l'option loop marche pas. Enfin, ok. Bah pareil quand il arrive, t'arrives à prévoir le coup et pour le coup je te demande même pas de jet pour lui, j'ai vraiment fait un gros échec critique. Tu lui donnes un coup de cross et il tombe au sol aussi. Tu sais par contre dans DC ils vont mettre moins de 2 secondes à se relever et t'en as d'autres qui commencent à sourire vers toi, notamment Croco qui lui a sorti une espèce de gros couteau. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben Croco justement moi je garde ma munition pour lui. Pardon, je gardais ma munition pour lui. Ok. Et du coup bah c'est pour lui que je vide mon chargeur. Ok très bien. Fais-moi un test d'agilité, dextérité. Bien sûr. Alors. Agilité, dextérité, j'ai pas beaucoup de dés. Sans bonus cette fois? Ouais. Si, avec le même. Vous êtes vraiment très très proche, donc là vraiment c'est. Enfin, faut vraiment presque. C'est pas possible de le rater. Bah, je suis très très très dans la joie d'avoir ce bonus. Puisque du coup j'ai fait 4 réussites, 2 déclencheurs. Du coup au moment où il se rue sur toi, tu pointes le shotgun dans sa direction et tu commences à tirer. Et d'un seul coup, tu vois une espèce de bout d'épaule et ainsi que un mec à côté tomber au sol. Les gars s'éclatent, t'entends des espèces de cris et tu sens une giclée de sang t'asperger. Oui. Et tu vois les corps donc tomber au sol, avec des cris en douleur, tandis qu'il y en a un autre qui se continue de courir vers toi. Je laisse me faire un jet pour lui également. Cette fois-ci avec le revolver. 3 réussites, 2 déclencheurs. Ok. Ça suffit pour le blesser avant qu'il arrive à te toucher. J'ai fait un très mauvais jet pour lui. Pareil, tu dégaines. Alors, faut vraiment imaginer la scène. La salle est assez petite, mais t'es la seule personne à avoir une arme à feu. Et malgré tout, c'est plus rapide d'appuyer sur une détente et une balle est plus rapide que quelqu'un qui court. Donc en fait, vu qu'ils ont fait l'erreur, en tout cas pour certains, en tout cas de... Enfin, on va dire, vu qu'ils partent en même temps avec 4 shotguns, il y en a certains qui sont pris la détonation d'un côté, donc les autres ont dû courir. Et en fait, t'es en train de leur tirer dessus et... Surtout qu'en plus, un shotgun, ça a de la dispersion, il me semble, t'en as même beaucoup. Et donc ça balaye la zone. Et tu vois les corps tomber quasiment les uns après les autres. Ils sont pas tous morts, notamment Croco est encore en vie. Tu les entends hurler, tu vois d'ailleurs Croco se tord de douleur avec ton masque collé contre la poitrine. Il arrive même pas à le lâcher tellement il a mal et tellement son poing est refermé. Et tu remarques également, juste derrière, tu n'y avais pas pensé, mais la silhouette du gamin qui se trouvait autour au bout de la pièce et qui visiblement s'est pris quelques morceaux également. Tu le vois au sol, complètement étendu, couvert de sang. Les blessures ne semblent pas être aussi nombreuses que sur les autres, mais c'est un enfant. Et tu essaies, il fait des espèces de petits sursauts avec du sang qui lui dégouline de la bouche. Pendant ce temps-là, Mokosh et le reste du groupe, vous êtes en train de courir dans les couloirs. Donc, vu que ça se passe un petit peu avant ce que l'homme vient de voir, le temps que vous courez, vous commencez à entendre des espèces de coups de feu en provenance de l'une des salles. Et vous finissez par retomber sur... bloqué dans le couloir, alors que donc vous êtes 5 même, et face à 3-4 types qui semblent... Ça ressemble à la moitié des ferrailleurs, à moitié des apocalyptiques, couverts de tatouages qui vous bloquent le chemin, avec derrière la salle vous entendez les coups de feu. Tu vois Mokosh qui sont vraiment pas rassurés entre les trucs qu'ils entendent derrière, ils savent pas trop savoir ce que ça veut dire. Parce que ça ressemble plus à une fusillade qu'à une exécution, tu sais, où on entendra juste un tir et puis plus rien. Et vous qui vois débarquer au milieu. D'ailleurs, tu reconnais le gars que tu voyais à travers la petite tirette tout à l'heure. Visiblement, en fait, il est parti en courant, il a appelé du renfort dans une salle à côté. Je vais le foncer dessus avec mon épée de bois. Ok. Je vais te demander un jet de mêlée. Réussite seulement, c'est tout. Moi j'ai fait 0 réussite et 2 échecs critiques. Du coup tu te pointes vers lui, mais malheureusement pour ce dernier le couloir est vraiment hyper fin. Il a aucun moyen de se mettre à couvert ni rien et puis les autres derrière sans pas le laisser se replier. Et tu lui assènes un violent coup et quasiment tu te tranches en deux. Pas littéralement, mais la lame s'est complètement plantée dans son flanc et il tombe au sol en un hurlement de douleur. Tandis que tu retires l'épée et que les autres derrière commencent à se ruer sur vous. Pendant ce temps-là, toi, tes anabaptistes également courent sur tes côtés, tu te fais à moitié bousculer pendant ce temps-là et commencent à charger les autres qui se trouvent derrière, suivi par Casse-Gueule qui lui ramasse une espèce de grosse brique trouvée sur le sol et la jette dans la tête de l'un des gars. Et sans doute lui explose le nez au passage. La bagarre commence donc. Le bon règlement de compte commence à éclater dans le couloir, tandis que vous entendez de temps à autre des coups de feu, même visiblement d'armes mutuelles, arriver juste derrière. Et Mokosh, je vais te redemander un jet. Tandis que tu vois, en fait, au milieu de la bagarre, le gars qui t'a coupé quasiment en deux au sol se saisir une lame dans sa botte et essayer de planter Casse-Gueule dans le dos. Enfin, pas dans le dos, tu sais, mais plus sur le flanc partant du bas, tu vois. Il est clairement pas capable de se relever, mais il tente d'utiliser sa dernière force pour au moins en animer. Ok, toujours un jet d'attaque ou... Alors tu vas me faire une combinaison de réactivité, donc psyché reaction, suivi de body melee. C'est pour attaquer vite et toucher. Ok, donc déjà le premier de psyché réaction, là c'est un échec. Un échec, voilà, c'est tout, t'as rien d'autre. Ok. Je sais pas si je peux faire la suite, du coup, je réagis pas, mais... Vas-y quand même, tu taperas trop tard, mais tu pourras peut-être taper quand même. Et 3 réussites. Ok. Donc c'est vrai que là, il a une défense passive de 1, parce qu'il est même pas debout ni actif. Ça passe largement. Ok. Tu vois que ce dernier dégaine sa lame et commence à la planter dans Casse-Gueule. Ok. La lame se plante... mais clairement pas profondément, plus dans le gras de la taille, puisque Casse-Gueule se retourne sans même visiblement lâcher un cri de douleur, tu vois, c'est comme si on l'avait planté un truc quand même, mais pas du tout un endroit vital ni rien, et lui assène une espèce de violent coup de parpaing, avec sa pierre dans le visage. Le mec est projeté dans ta direction et finit empalé sur ton épée. Plus de peur que de mal. Au bout de quelques instants, les coups de feu cessent et l'intégralité des gars dans le couloir se sont fait massacrer. Vous étiez beaucoup plus puissants que vous. Les orgastiques sont vraiment entraînés au combat. Eux, ça semble être des espèces de petits mafieux, même, bon... Pas le petit gang de rien du tout, mais... Des mafieux, enfin voilà, des criminels, quoi. Et au niveau de la porte finale où vous arrivez, vous commencez par percevoir du sang couler de dessous cette dernière. Bien rouge cette fois-ci. Alors vous ouvrez la porte et cette dernière vous laisse apercevoir une espèce de grande salle avec peut-être quasiment une dizaine de cadavres. C'est difficile de compter parce que certains sont plusieurs morceaux. D'autres membres du cartel, tous morts. Certains ont des impacts de balles ici et là, tandis que d'autres se sont pris simplement un coup dans la tête, visiblement, enfin, ont un trou au milieu du crâne. Au milieu de la pièce, vous voyez une chaise, ainsi que debout, Efflux, avec son masque sur le visage, et du sang bleu coulé le long de ce dernier. La seule personne encore en vie apparaît Flux dans la salle, qui d'ailleurs, quand même, pour préciser, Flux sont quand même à peu près mal en point. Vous voyez qu'il a pris des coups, outre le sang qui coule, tient dans une position qui prouve qu'il en a pris aussi, même après la dernière scène qu'on a faite tout à l'heure. Du coup, vous voyez même le corps d'un enfant sans vie, juste sur le... Comment est-ce que tu réagis, Mokosh, et également Efflux? Moi, surprise, forcément, parce que c'est Efflux. Normalement, c'est la première personne qui devrait être morte dans cette pièce. Qui d'ailleurs n'avait pas tué d'humain bon, il y a moins d'une semaine, il me semble. Bah non, il se lâche. Il avait déjà tué quelqu'un la dernière fois. Si, c'était la première fois. Ouais, il me semble que c'était la première. C'était la première fois qu'il tuait quelqu'un. T'as fait la remarque. Je vais m'approcher pour voir si Efflux va bien. Comment réagis-tu, Efflux? Alors. En effet, vous remarquez que le vocodeur a pris un coup et la voix est très distordue. Que s'est-il passé? Pendant que Efflux est sûrement en train d'essayer de régler son casque, je vais regarder. Je pense que c'est le fait qu'il ait pris tous ses coups qui ont dû abîmer fortement son vocodeur. Bon, pendant ce temps-là, moi je suis en train de faire les dernières les derniers trucs sur Jacquard. On a emmené Jacquard du coup dans une salle de réveil où il va pouvoir du coup se remettre tranquillement de l'opération. Jacquard, tu te réveilleras tu ne sais combien de temps après ton opération, sans doute plusieurs jours au moins. Avec une intense douleur au niveau des bras. On retourne à Efflux, tandis que le montage alterne sur les plans de Jacquard revenir à la vie et Efflux métaphoriquement changer également sur certains points, on va dire, en tout cas vivre un grand bouleversement. Du coup, Efflux, comment réagis-tu à, on va dire, aux avances de Mokosh? Enfin, aux avances. C'est vraiment des changements profonds là dans l'équipe. Ah ouais. Ça n'avait pas été prévu ça. Je lui réponds avec mon vocodeur qui, je pense, de toute façon, a dû prendre un peu cher parce que il était quand même été arraché. Que ça va. Je dis ça en jetant le shotgun à terre maintenant qu'il n'y a plus personne. Et je me dirige vers le gosse. En priorité. Qu'est-ce que tu fais? Je m'agenouille à côté de lui, je regarde dans quel état il est. Puisque du coup tu m'as dit que tu en étais occupé en premier, simplement t'as abrégé ses souffrances, donc il est mort. Sans doute, en effet, tu lui as épargné de nombreuses douleurs, mais il n'empêche que, plus ou moins accidentellement, tu l'as éliminé. Je ne savais pas trop à quel point il était impliqué de son choix dans cette opération, mais... Moi, je le prends dans mes bras et je regarde Mokosh et je lui fais signe que je m'en vais, quoi. Enfin, qu'elle me suit, quoi. Si c'est vraiment fini. Je suis. Est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose d'autre? C'est pas vraiment un truc dans l'immédiat, mais là, moi, mon but maintenant, c'est. On fait une petite ellipse, vu qu'on fait également une ellipse du côté de Jakar et. Ouais. C'est de partir. Je sais pas exactement où ça se gère le cimetière ici. Il y en a à l'extérieur de la ville. Voilà, c'était de partir à l'extérieur de la ville et. L'offrir un dernier salut, un au revoir enterré et. Et lui mettre. Genre juste l'enterrer avec 5-10 lettres de change pour le symbolisme et. Oui, bien sûr. En effet, tu sais pas vraiment si en au-delà, on s'est jamais vraiment posé ces questions-là, mais tu dis que. Parfois, certains racontent qu'il y aurait un prix à payer pour pouvoir passer de l'autre côté. Et puis même. Tu dis au final, qu'est-ce que ça importe? Depuis, là-dessus, tu vois, c'est un enfant des rues, je sais qu'il a pas toujours été riche et je me dis que tu vois, oui, c'est quelque chose qui. Là-dessus, tu te redresses, tu vois que derrière, Casse-Gueule, lui, a lâché peut-être une fois ou deux quelque chose comme il avait à peine mon âge, ou même celui de Bambino, je dirais. Sans forcément émettre de jugement par rapport à toi, ça paraît assez évident, La scène, son poser de questions semble assez évidente. En tout cas, son déroulé et c'est vrai que en fait, vous semblez tous subir la situation presque autant. D'ailleurs, le groupe d'Anabaptiste, Mokosh, au bout d'un moment, ont arrêté de te suivre, mais t'ont proposé de retourner les voir à l'occasion. Tu vois qu'ils semblent aussi quand même assez mine de rien déstabilisés par ce qui s'est passé, mais au final, le démiurge a été en partie chassé de la ville, tandis qu'il se retrouve aux yeux et à la barbe des amis. De l'autre côté de la ville, plus loin à l'horizon, au niveau de la silhouette du spital, justement donc dans cette fameuse chambre, les premiers membres de Jakar semblent s'activer. Tu sens tes nerfs tirer, une intense douleur parcourir ton corps, notamment au moment où tu poseras ton premier pied au niveau du spital. Maintenant, ça va faire des mois que... Tu n'arrivais pas à tenir sur tes deux jambes. Et d'ailleurs, au moment où cette réflexion te parcourt, tu sembles trébucher légèrement comme si tu avais du mal à marcher, mais tu te rattrapes avec ton nouveau bras. Sur l'une des structures qui, elle, à nouveau tombe, mais tu sens qu'il te faudra quelques heures, voire quelques jours pour t'habituer à ta nouvelle situation. Malgré tout, ça marche. Et tu sais que si rééducation il doit y avoir, Torik est passé par là juste avant, alors ce dernier sera épaulé. Et d'ailleurs, au moment où de nouveau cette idée te parcourt l'esprit, t'aperçois la porte principale s'ouvrir et la silhouette de Torik justement apparaître avec derrière sans doute d'autres soignants. Autour de vous, quelques malades, qui, notamment certains qui semblent dans leur lit, regardez de manière complètement éperluée Jakar, comme si un être d'un autre monde venait de débarquer au plein milieu de leur salle d'opération, en tout cas de repos, post-opératoire. Est-ce que vous vous dites quelque chose? Alors Jakar, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Merci. Ouais. Écoute, quand est-ce qu'on part? Ouais, il va te falloir un petit peu de repos encore. Tout n'est pas encore cicatrisé. Il va falloir que tu restes un petit peu alité pendant quelques jours. Mais bon, ça, t'es habitué. T'as resté quand même pas mal de temps au lit suite à ce qui s'est passé le 14. Mais bon, là, c'est pour la bonne cause. Tu pourras courir dans pas longtemps. En attendant, donne-moi mon codex. Ah, ok. Et du coup, tu prends son codex qui était posé sur une table. Et tu lui... te sur le bras. Je lui balance dans la gueule. Bon, on l'a fait désinfecter, hein, parce que c'était un peu sale. Du moment que tu l'as pas cravé. On fait pas ces choses-là. Du moins pas sur les livres.